Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah. Bienvenue à C'est fou le sexe, en ce 27 février 2018. Ce matin, ben oui, matin, je vais t'ouvrir le micro, Seigneur Dieu. Bon matin. Bon matin, Natacha. Long time aussi. On s'est pas vu la semaine dernière. T'étais malade? Elle était malade. Puis ça se peut que je mouche et je tousse encore. Oui, ben en fait, j'ai le même problème que toi ce matin. On va faire un quatuor. Mais je pense que Pierre aussi est dans cette situation. Oui, c'est vrai. Ça va être de toute beauté. Ah, oui. Et j'écoutais d'ailleurs dans ma voiture ce matin le délicieux Mathieu Plante dans son émission Assemblage. Il était grippé aussi. Il était fortement grippé, mais il est toujours aussi. Mais c'est toujours aussi délicieux, c'est cet homme. C'est le temps. Ah. Hey, en passant, chose quand même assez. Le fun d'Anthony, on va parler du mois de mars, là, jeudi. Fait que donc, le mois de mars, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dégel, l'odeur moins, de chaud. L'odeur du gazon. Oui, oui, ben, oui, oui. C'est le 21 tôt, mars qui est le printemps, mais c'est le fun. Oui, puis on a pas aussi une journée quand même assez festive. Chocolat. Ben, c'est ça. C'est rendu la fête du chocolat, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est totalement ça, même. Avec la Saint-Valentin. Oui. Peut-être. C'est vrai. Mais quand même un peu plus Pâques. Oui, c'est vrai. Des petits lapins. Tu sais, à Saint-Valentin, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup d'autres éléments. De marguerite, oui, c'est vrai. De marguerite. De marguerite, de fleurs. De roses. Mais là, en ce moment, c'est que Canadian Tire puis les autres, comme, c'est quoi, là, Rondon. Les autres sont rendus à l'eau. Ils ont toutes les choses de l'été sortent, là, c'est dernier temps. Oui, là. Absolument. Fait que tu peux penser on à mettre sur ton gazon. On est tannés de l'hiver. Ah, hein? Christ, oui. Sérieux. Mais moi, c'est tanné quand que c'est le 31 décembre. Moi, je tanné avant même que la neige commence. T'as pas des chansons de Noël? Dans non. Oh, mon ma Dieu. Fille, ce matin, m'a demandé des chansons de Noël. Oh, my non! God. Non! Mais je vous dirais que je suis à l'opposé de vous autres, moi. T'aimes Noël ou t'aimes l'hiver? Mais en fait, je m'en contre Saint-Cybolise. Ah non, ouais. J'allais dire un autre mot, mais je ne l'ai pas dit. Non, mais en fait, je profite de chacune des journées, peu importe de ce qu'elle apporte. Oh, mais t'es un poète, toi, Anthony. Je suis un poète. T'es un poète. Non, pas un poète. Un poète, c'est doux, c'est beau. Moi, je suis plus un poète. En passant, comment ça a été les rencontres, pas mystiques, mais les rencontres la semaine passée, là? Tu veux dire le bal masqué? Le bal masqué, oui, c'est ça. Oh my God! Ça a bien été? Non, oui. C'est relatif. Ah. Tout est relatif. C'est ça. Mais oui, le bal masqué a relativement bien été, au sens où les gens qui étaient présents ont participé, se sont amusés. Et relatif aussi dans le sens qu'on était à deux chats et un écureuil. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas eu une grosse participation. Donc, c'est gentil de remuer le couteau dans la plaie ce matin. Okay, j'imagine vous allez faire un beau retour en gang sur le sujet. On fait un retour là-dessus aujourd'hui, effectivement. Et on vous prépare d'autres surprises éventuellement. On va espérer que les gens vont être au rendez-vous davantage. Et pour le théâtre aussi, dans lesquels on va vendre des billets à l'avance, ce qui n'avait pas été fait pour le bal masqué. Et c'est peut-être un peu ça aussi qui a joué. C'est que les gens, on est en mi-session. Quand ils ont acheté des billets, ça fait plus mal au cœur, ils vont se présenter. Fait que quand c'est pour une bonne cause comme ça, on a voulu faire des économies en ne faisant pas imprimer de billets et en permettant aux gens de se présenter à la porte pour maximiser les dons. Mais finalement, on se retrouve avec un événement. Le derrière à l'eau. Je dirais pas ça, je dirais flush. Donc, vous avez appris de votre expérience. Exactement, moi aussi. Quand même amusé, ça a été représentatif de ce qu'on voulait faire. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec. Si je me fiais aux photos, je me disais, les photos ont été prises avant qu'il y ait des gens, mais finalement... C'était pas mal représentatif de la soirée, je dis. Bon, c'est dommage parce que ça avait l'air vraiment... Ouais, si j'aurais pas été malade, je serais allée, c'est sûr. C'est ça. Il y a plein de monde qui se sont donné plein de raisons. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Alors, sur ce, Mélanie, bonjour. Eh hey, mais salut! Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Enfin, oui. Enfin, oui. Enfin, oui. Oui, ben moi, j'ai pas été très malade. Non, c'est ça. Toi, c'est les enfants. Ben, c'est ça. C'est la dure réalité d'une maman. Tout à fait. Étudiantine en même temps. Oui, c'est ça. À la carte, c'est ça. C'est ça. Quand on voit notre fille pliée en deux dans l'escalier, on se dit je pense que je vais rester à la maison un peu pour surveiller. Oui, parce qu'il y a des plans qui attendent, tombent dans l'escalier, brisent l'escalier. Non, on veut pas ça. Non, on veut pas ça. Non. Je cherche les escaliers. Ben là. Fin. Bien entendu, on sait bien que c'est pas ça. Mais non, mais bon. Donc, je me suis occupée de mes enfants. La priorité, d'abord, oui, en effet. Et t'as amené quelqu'un avec toi ce matin. J'ai de la misère avec ma voix, ça s'entend. Ben oui, j'ai amené quelqu'un avec moi. Oui, bonjour. Bonjour, Josée, qui est là avec nous autres ce matin pour parler d'un sujet qui est sorti dans l'actualité il n'y a pas très longtemps. Je te laisse introduire le sujet. Ah, tu me laisses ça? OK. Ah, oh, wow. Okay. Oui, moi, je suis là pour t'aiguiller. D'accord. Alors, c'est ça, la semaine dernière, je lisais sur TVA qu'il y avait un reportage de JE sur le phénomène des agressions sexuelles d'enfants faites par d'autres enfants. Puis, ben, écoute, ça vient pas, c'est pas nouveau d'hier, ça. C'est une réalité qui existe depuis quand même. Bon, en tout cas, moi, je me souviens d'avoir vu des jeunes dans les salles d'attente d'urgence quand j'y suis allée, qui racontaient ça il y a quelques années déjà. Donc, mais c'est ça, j'ai été curieuse, j'ai lu l'article, puis, ben, c'est ça, j'ai rencontré Josée qui, elle a vécu l'expérience aussi, pas pour elle, ben. C'est son enfant qui l'a vécu. Puis, ben, c'est ça, je me disais, ben, ça serait peut-être intéressant de parler avec quelqu'un à qui c'est arrivé. Mm-hmm. Ouais. Parce que où est-ce qu'on en est aujourd'hui socialement? Comment est-ce qu'on est préparé à accueillir cette problématique? Donc, Josée, merci d'être là ce matin. Ben, ça fait plaisir. C'est sûr qu'on parle d'un sujet qui n'est pas nécessairement très, très joyeux en ce début de printemps ou presque, mais ça reste que c'est une réalité. Oui. Ça ne doit pas être une réalité qui n'est vraiment pas facile au niveau d'une maman. Mais en fait, quand on laisse nos enfants à l'école, on a l'impression qu'ils sont dans une forteresse, que s'il y a une place qui sont sécures, c'est bien là. Fait qu'on s'imagine pas ça. Moi, ma fille est en maternelle lorsque c'est arrivé. Okay. Puis, c'est lors du bain qu'elle commence à me dire qu'il y a un petit garçon, mais un grand, en fait, un grand, qu'il n'arrêtait pas de lui toucher, puis elle me pointait son vagin. Puis, okay. Il me disait, il n'arrêtait pas de me toucher, là, il était fatigant. Puis, première réaction de maman, c'est que l'hamster part dans la tête. Ouais. J'avais quand même quelques formations en psycho, etc., qui me disaient que j'avais appris qu'il ne fallait pas intervenir, qu'il ne fallait pas induire, poser de questions, vraiment recevoir le témoignage de l'enfant. Mais là, tu es maman, fait que tu jongles émotionnellement. Fait que j'ai comme pas posé trop de questions. Je l'ai laissé me dire ce qu'elle avait à me dire, que c'était dans la cour d'école, c'était un grand... Puis, je pense que ça me disait qu'il était en cinquième année, je suis plus certaine, de troisième. C'est flou, là. Okay. Ça fait un bout, là. Mm-hmm. Puis, finalement, j'ai contacté la police. Les policiers sont venus. Lucie, elle était à part. Puis, ce qui est arrivé, tout simplement, c'est que le policier, lors de la conversation, il me demande « Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as vu quelque chose d'anormal, ces petites culottes ou quoi que ce soit? Mm-hmm. » C'est à ce moment que j'allume que ces petites culottes sont toutes déchirées. OK. Puis, lorsque je les avais vues avant le bain, moi, j'avais ri. J'étais « Voyons, qu'est-ce que tu fais avec des petites culottes comme ça? Tu ne mets pas ça? » Puis, j'avais pas cliqué. Donc, ça a été assez... ça a été choquant. C'était un choc aussi. Oui, parce que tu peux pas imaginer ça. Mm-hmm. Pas à l'école, pas... non, ça se fait pas. Et ton enfant est en sécurité quand tu l'envoies à l'école? Oui. C'est la croyance. On se dit que dans la cour d'école, il y a de la surveillance permanente et continue. Oui. Et, mais par contre, si je peux témoigner pour ma propre école où mes enfants vont, pour avoir affaire près de l'école, parfois, les surveillantes, on les voit attroupées à jaser plus qu'à surveiller. Oui. Et je ne nommerai pas l'école. D'ailleurs, je veux préciser que José n'étant pas ton vrai nom, et bien sûr, tous les noms que tu vas dire ne sont pas réels, il faut bien le préciser, tout simplement. Ben, tout comme moi, je nommerai pas l'école, mais imaginez, disons, l'école Saint-Joachim des Meumeux, où j'envoie mes enfants. Ben, littéralement, elles sont attroupées près de la barrière. Elles ne regardent même pas les enfants. Il se passe à peu près n'importe quoi. De la violence, il peut se passer effectivement d'autres éléments plus, encore plus dramatiques comme oui. ceux-là. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ben, écoute, je peux prendre... Toi, Mélanie, effectivement, tu étais enseignante. J'ai été enseignante au primaire. Et comment t'as survécu à ça? J'ai survécu, mais effectivement, c'est un autre débat qui a lieu dans les réunions de professeurs. Fait que quand on se rencontre souvent, il y a des petites mises au point qui sont faites. Les directions d'école, les parents envoient des messages et puis, ben, les messages se rendent. Ne t'inquiète pas. OK. Ça vaut la peine de faire des messages. Puis, ben, il y a différentes... Quand en tant qu'enseignant, tu es mis face à une situation, tu sais, que bon, il y a eu un cas de violence, il y a eu un cas d'agression, il y a eu un accident. Ben écoute, normalement, mm-hmm. on devrait avoir des protocoles clairs, précis, pour savoir comment agir. J'avoue que c'est pas toujours bien décrit. C'est okay. pas dans. Puis, tu sais, j'ai fait de la suppléance dans plusieurs écoles. C'est pas toujours... On n'est pas si outillé que ça en tant qu'enseignant. On sait, oui, qu'il ne faut pas rester sur le bord de la clôture à mémérer ensemble. On sait qu'il faut qu'on se promène. On se donne des moyens selon les écoles. Mm-hmm. Mais il n'y a pas quelque chose qui est uniformisé dans la commission scolaire des protocoles. Je ne sais pas, toi, est-ce que tu as vécu par rapport à ça, Josée, là? Bien, moi, au niveau scolaire, ça a été quand même super bien reçu. C'est une place où que ça a bougé. Ça a été là. OK. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, j'imagine que ça a été mis en place. Il y a eu des surveillances, ils ont fait attention pour bien séparer c'était déjà fait, mais de s'accentuer que les possibilités de groupes d'âge soient pas trop mélangées. Fait que il y a eu quand même un accroissement là, de la surveillance dans la cour d'école. Mais il a blessé, là, où qui a été le problème, mm-hmm. ça a été dans la démarche à l'hôpital. Parce qu'on s'est rendu à l'hôpital et une fois sur place, on est quand même le soir, là, on s'entend, puis on a une petite fille de 5 ans, puis on est dans la salle d'attente, puis tu sais, t'essaies de pas mettre d'emphase sur ça, fait que tu parles avec ta fille, tu joues avec, tu fais, tu sais, un peu, on faisait des dessins, à un moment donné, elle est tombée endormie, il était pas loin de minuit, 11h minuit. L'intervenant social arrive, parce que c'est le protocole là, complet, comme une agression sexuelle, etc. Ouais. Il rencontre ma fille. Ma fille ne veut pas parler. Elle est fatiguée. Elle dormait. C'est normal. Oui. À minuit. Oui. Puis, qui refuse qu'elle aille se coucher, qui continue l'interrogation, parce que, oui, ça avait l'air d'une interrogation. Puis moi, en tant que parent, tu te dis, il vient de nommer qu'il est en contact avec la protection de la jeunesse, que tu sais, tu te dis, OK, il est dans le protocole, il sait comment ça fonctionne. C'est lui l'expert. Moi, je suis juste la maman qui est là pour ma fille, mais je le laisse aller. Puis dans sa façon d'aborder qui est super directif, puis ma fille qui ne veut plus parler, qui se referme comme une huître. Ouais. Puis finalement... qui lui induit comme question, ça se peut-tu, t'as pas dit la vérité, puis il faudrait que tu dises la vérité, puis tu vas pouvoir... Oh mon Dieu! Ouais. Fait que ma fille, elle a dit, oui, c'est vrai, j'ai pas dit la vérité, puis j'ai menti. Ça s'est clos. Comme ça. Puis quand que je me suis ramassée seule avec cet intervenant-là, j'étais en colère. Moi, j'ai pas osé défaire son intervention devant ma fille parce que je me disais, il doit savoir ce qu'il fait. Là, t'es un peu dans le choc, là. Tu dis, non, il sait ce qu'il fait, là. Il travaille au CLSC, il est là, tu sais, je veux dire, il est dans la procédure, il connaît. Ouais. Là, tu dis, c'est quoi cette intervention? Je m'excuse de... De merde, oui, ça. Oui, oui, j'ai carrément dit, puis je dis, c'est quoi? Puis tu sais, j'ai ramené, j'ai, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas induire des questions, puis c'est pas ça que tu as fait, tu as carrément suggéré à ma fille que c'était pas vrai. Puis finalement, le lendemain matin, ça a été les policiers qui ont pris la relève. Mm-hmm. Puis lorsque ça a été pour rencontrer les policiers, ma fille s'est mise à pleurer. Elle ne voulait plus. C'est sûr. Elle avait plus envie, puis elle pleurait, puis elle était... Surtout les policiers, hein, je veux dire, l'image, là, de la police. Oui, mais c'était, elle voulait plus rencontrer personne. Parce que c'était quand même pour elle un traumatisme, déjà, d'avoir parlé de ça, de nier peut-être parce que c'était pour elle une façon de dire, ben, je veux pas en parler. Oui. C'est des fois la négation, c'est fort, hein. Mais de dire, hey, tu vas rencontrer la police le lendemain, hey boy, pas un enfant. C'est un processus qui est lourd pour un adulte. Oui, imagine des enfants. Mais souvent, les enfants, ils comprennent pas aussi la connotation que ça peut avoir le geste. Je suis pas certaine que ma fille, le geste en tant que tel, a porté autant préjudice que de la façon qui a été reçue. Oui, oui, puis 5 ans, là. Tu sais, 5 ans ta fille, c'est ça? Oui. Ouais, 5 ans. 5 ans. Puis, tu sais, c'est quand tu dis que l'intervenant qui refuse qu'elle dort, qui, tu sais, c'est quand même un besoin essentiel. Ouais. Il aurait dû dire, écoute, on va faire l'examen physique, puis au diable, le reste. On va se revoir demain. Ça a l'air comme s'il l'avait mis au pied du mur. Oui. Puis, dans son intervention, ce qu'il me dit, seul à seul, ta fille faisait elle a fait un dessin, c'est des arbres avec des arcs-en-ciel, etc. C'est pas un enfant qui est traumatisé. Ah oui, c'est Walt Disney, là. Mais écoute, c'est réducteur. Hein? C'est vraiment réducteur. Mais j'aimerais ça que tu expliques pourquoi, tu sais, dans le fond, c'était ça les dessins qu'elle avait faits. C'est parce que moi, en fait, je suis zéro puis une barre bonne en dessin. Et j'adore dessiner les arbres. Pour moi, c'est quelque chose qui est plus facile avec les arcs-en-ciel. C'est plein de couleurs. Oui. C'est des dessins que je fais souvent. Ma fille a tout simplement répété ce que je faisais souvent avec elle. Okay. Surtout à 5 ans, c'est pas mal leur limite, là. Oui. Vous étiez ensemble. Puis, tu sais, dans le fond, l'objectif de ton côté, c'était de détendre aussi l'atmosphère pour qu'elle se sente. Moi, je voulais qu'elle se sente en sécurité. Tu sais, je me suis mis un front face, là. Je montrerai pas mes émotions parce que souvent, la réaction du parent... Le parent qui tout de suite s'affole devant l'enfant va comprendre, OK, c'est vraiment pas correct ce qui s'est passé, puis il va assimiler cette peur-là. Fait que moi, je voulais pas teinter ma fille de tout ça. Mais j'ai une question au niveau de, est-ce que ça s'est produit seulement qu'une fois? Oui, ça a été un geste isolé. OK. Mais par la suite, dans les démarches, quand elle a rencontré les policiers ont été géniaux, ils ont réussi à revoir un peu ma fille, mais son discours, c'était plus cohérent, là. Elle changeait de discours, ça n'a jamais été clair. Puis, à l'école, ils n'ont jamais été capables de définir un moment précis où ça aurait pu lieu, où elle aurait été en contact avec un garçon, puis elle n'était pas capable de le nommer. Ou de le montrer du doigt ou quoi que ce soit. Mais en même temps, j'ai parlé avec une spécialiste qui est habituée au niveau des agressions sexuelles, puis ce qu'elle m'expliquait, les enfants, c'est pas grand, là. Mm-hmm. Fait que ça se peut qu'elle ait juste vu le paire de pantalons, les souliers, puis que c'est à peu près ça qu'elle s'est accrochée. Mais on n'a jamais eu de nom. Non, jamais. Puis, dans le fond, l'enfant a moins de 12 ans. Donc, pas de démarche judiciaire qui allait donner suite. Fait que le dossier a été clos. Dans le fond, ça aussi, c'est important. Hein? Puis, mais ta fille, aujourd'hui, est-ce qu'elle vit un traumatisme suite à ça ou elle n'en fait pas référence nécessairement? Est-ce qu'elle t'en reparle? Écoute, par la suite, ma fille, c'est arrivé à l'occasion qu'on a vu des choses à la télévision qui parlaient d'agressions qu'il y a eu, pas nécessairement lourdes, mais juste nommées, puis se mettre les mains devant les oreilles ou devant les yeux, puis comme un malaise. Mais c'est assez spécial parce que quand j'ai été contactée, quand j'ai rencontré Mélanie à ce sujet-là, moi, ça m'a fait prendre conscience un peu tout le lien que ça a pu avoir, l'impact que ça a pu faire. Puis ma fille, par la suite, je dirais qu'elle s'en est quand même, sur le coup, il y avait, tu sais, à part l'épisode du monsieur, puis ça a quand même été bien. Mais si on regarde dans l'évolution, elle s'est beaucoup fait refermer dans son mode intérieur, là, elle s'est coupée de ses émotions. Puis, présentement, elle est suivie. OK. Puis, tu sais, pour avoir discuté déjà avec une psychologue, ce qu'elle m'a dit, c'est probablement, c'était suffisant comme traumatisme pour expliquer un peu son mode de fonctionnement aujourd'hui. Comment c'est développé par la suite. Oui, oui. Parce que tu m'as dit clairement, tu sais, puis c'est ça, nous autres, on se connaît un petit peu depuis un peu plus longtemps, puis tu me disais, ah, ma fille, c'est plus la même. Non. Avant, elle était comme ça, elle était joyeuse, elle était pimpante, elle était une petite fille souriante, bon. Puis, je me souviens que tu me disais, bien, c'est plus la même. Mais dans le temps, tu n'avais pas fait de lien nécessairement avec ça. Puis c'est ça, cette semaine, quand on s'est reparlé. Oui. Tu me disais que... Oui, le lien, c'est... Mais tu sais, des fois, en tant que parent, puis en tant que... Tu sais, l'enfant n'en discute plus. C'est plus quelque chose qu'on va parler parce que elle n'en reparle pas. Puis je suis un peu ce qu'on me dit de faire, mais ça a été facile pour moi de mettre ça sous le tapis, de ne pas refaire le lien. Mais en discutant, j'ai vraiment réalisé que, tu sais, je peux pas dire c'est exclusivement cet événement-là. Par contre, c'est un beau déclencheur pour dire que ma fille, c'est complètement une autre petite fille. La petite fille joyeuse, insouciante, elle n'est plus là. Okay. On est en train de venir la chercher en psychothérapie, mais cette petite fille-là, elle a disparu, là. Puis tu me disais autre chose que, sur laquelle je veux revenir, tu sais, quand on s'est parlé. Ouais. Quand c'est arrivé, t'as pris le temps de téléphoner à quelqu'un que tu connaissais qui travaillait déjà dans le domaine. Oui. Suite à l'intervention du monsieur en question à l'hôpital, tu me disais, là, je sais pas comment réagir avec ma fille. C'est ça que t'as dit à l'intervenante. Puis elle t'a dit quelque chose, puis je trouvais ça important que tu le nommes. Oui. Parce que en fait, je ne savais plus comment aborder la chose avec ma fille parce que je ne voulais pas induire, peu importe l'événement, je ne voulais pas venir teinter l'événement, mais je voulais reprendre un peu l'intervention qu'elle avait eue. Puis ce qu'elle m'avait dit, elle dit, ce que tu as juste à dire à ta fille, que peu importe ce qu'elle dit, pas dire c'est quoi qu'elle a dit, tu n'as pas besoin de dire, tu sais, quand tu as dit ça ou quand tu as dit ça. Non, tu dis, moi, quand tu me dis quelque chose, je te crois. Okay. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Puis, ce qui me rassure, puis ce que les policiers m'ont rassuré, puis en tout cas, j'espère que même si il y a eu une intervention assez, c'est ça, mais que le système d'alarme de ma fille y est demeuré, j'espère. Pour pouvoir, si ça se crée à nouveau, s'il se passe des événements, parce qu'on sait, là, je veux dire, des fois, ça, tu sais, il y a combien de femmes à qui ça arrive dans une cour d'une vie, là, ça... C'est plus d'une sur trois. C'est ça. Puis ça peut se répéter. Donc, s'il y a un événement comme ça, j'espère que ma fille, mais elle va savoir que moi, quand elle me dit quelque chose, c'est pris au sérieux. Puis, c'est ça. Mais c'est vraiment important de dire... En tout cas, moi, ce message-là, ça a été tellement... J'avais pas le contrôle sur la façon que ça avait été fait, mais de lui dire, moi, ce que tu me dis, je vais te croire. Je te crois quand tu me parles. Okay. Hey, rétablir la confiance. J'en viens à l'intervenant. Est-ce qu'il y aurait eu matière à plainte ou à... Probablement. Probablement. Puis, sur le coup, ça a été... j'ai été dans une tournade, là, lorsque c'est arrivé. J'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, avec ce qui se passe aujourd'hui, je me suis posé la question, mais tu sais, c'est tellement loin, c'est tellement flou, tu sais, dire ça a été quoi exactement ces démarches, tu sais, c'est plus flou dans ma tête, mais c'est clair qu'il y aurait, j'aurais dû prendre... Ça fait combien de temps, exactement? Oui, mais c'est pas obligé d'être... Ouais, quelques années. Okay. Quelques années. Par contre, ce que je veux soulever et qui est essentiel, c'est que vous, comme mère, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Je pense que vous avez fait l'ensemble de ce que vous étiez en votre pouvoir de faire. Oui. Fait que vous devez pas regretter absolument rien. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Fait que j'espère que vous allez rester galvanisé de ça en sachant que vous avez fait tout ce que vous avez pu. C'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici, dans le fond, parce que c'est pas évident d'ouvrir ça, là, vraiment absolument pas. Pas. Mais je me dis que... Parce qu'en tant que parent, des fois, on fait confiance au système, on fait confiance à des gens qui vont venir intervenir auprès de notre enfant, mais puis aussi de venir sensibiliser les intervenants qu'une intervention, je vais réutiliser ton mot, puis je vais me permettre une intervention de merde auprès d'un enfant, ça peut faire des dommages, puis il faut être vigilant là-dessus. Mm-hmm. Faut vraiment être vigilant en tant que parent, puis de, tu sais, d'être capable de mettre un stop, puis dire non, là, il y a comme une barrière, mais... Puis autant qu'en tant d'intervenant, de se dire, est-ce que je suis vraiment habilité, de quelle façon je peux venir intervenir avec... Mm-hmm. Bref. Parce que le protocole, je ne sais pas, au niveau de l'hôpital, le protocole, si c'est fait pour toute toute agression sexuelle, enfant comme adulte, puis je ne sais pas non plus si, quand ils ont fait venir l'intervenant, est-ce que c'est un intervenant qui est spécialisé, tu sais, qui habituellement traite des adultes, puis ils ont utilisé le même pour un enfant? Mais même là? Même là, l'intervention à un adulte, là, si je te... Si, oui, si c'est toi, clair, sauf chose que... Je te dis, ça se peut-tu que tu n'aies pas dit la vérité, tout à fait? Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que je incohérences, juste parce qu'il y a un doute, du matin. Oui, oui. Non, c'est ta gueule. Ça se fait pas. Écoute, prends des notes, pose une question, mais non directive, des questions ouvertes. C'est clair. C'est arrivé quand? Peu importe. Mais en même temps, je me dis, il y a peut-être aussi une façon, tu sais, dans la façon dont il a accueilli l'enfant aussi à minuit le soir, oui, de l'empêcher de dormir. Absolument. Tu sais, c'est l'ensemble de tout ça. Je me dis, est-ce que les intervenants, est-ce qu'il y en a qui ont plus un souci ou une formation plus pour les enfants? Ça, c'est une question que je pose. Mais, autour de la table, là, on n'est pas des intervenants formés pour les enfants. Ben non, ça, ni c'est même formés en agression sexuelle. Mais on a la décence de réfléchir qu'un enfant de 5 ans, on a l'empathie de le faire. Donc, cet intervenant-là, ce matin, s'il nous écoute, change de job. Change de job. Okay? Fais d'autres choses de ta vie. Va balayer. Va t'occuper de je sais pas, de fausses à purin. Ça pourrait être une bonne idée, hein, de changer d'emploi. Mais, simplement. Sans nécessairement faire une plainte. Ah non, il mérite une plainte. Oui, oui, il mérite une plainte. Non, c'est pas ça que je veux dire. Oh, pardon. Attends, mais, en feu. Peut-être... je ne sais pas s'il faisait partie d'un ordre, peut-être d'un ordre professionnel. Il venait généralement, les intervenants, c'est des travailleurs sociaux. Fait que, ah bon, à ce moment-là, peut-être, il était-tu relié à ce qu'il... Mais d'une manière ou d'une autre. Au CLSC, lui? Peu importe. Bon. Au CLSC, tu as des possibilités de faire des plaintes. Okay. À l'hôpital, tu as des possibilités de faire des plaintes. Souvent, dans ce domaine-là, là, le problème, c'est que dans le domaine de la santé, c'est que tu en as déjà plein ton casque de vivre avec ta situation. OK. Que tu n'as pas l'énergie de faire la plainte. Puis c'est pas. Puis, ben non, c'est ça. Puis le parent, ou peu importe, c'est pas au parent de s'assurer du bon suivi de ces choses-là. C'est aux directions, c'est aux intervenants d'être bien formés. Aux parents, ça laisse un doute sur l'intervention. Tu vois, là, peut-être ça fait des années qu'elle traîne ça, là, notre Josée telle qu'elle, qu'elle parle de ça. Fait que donc, inévitablement, ça laisse un cul. Quand une intervention n'est pas bien faite, ça laisse des doutes. Puis ça laisse des « oups, j'en ai manqué un bout », puis c'est ça qui fait mal. Puis quand tu disais, Josée, oh, j'aurais pu intervenir, mais j'étais comme dans un merry-go-round, puis je ne pouvais pas faire plus. Ça aussi, c'est étonnant. Mm-hmm. Parce que quand on grette, à un moment donné, quand on arrête, la poussière retombe, là, puis on dit « oh, j'aurais dû faire ça ». Mais quand une intervention est bien faite, tu ne poses pas la question. Parce que tu laisses... T'as confiance à l'intervenant. Mais quand, à un moment donné, tu dis, comment ça se fait que ça m'est passé entre les doigts, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas prédicté, là, tu sais, comprends-tu? Fait que donc, ça laisse toujours des doutes. Imagine, toi. Revenir sur une affaire qui s'est passée il y a quelques années, puis ça encore, là, des... Oui. Mais tu sais, en fait, moi, quand j'essaie d'expliquer pourquoi qu'il a pu agir comme ça, parce que tu as bien raison, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, c'est pas comme ça qu'on est censé intervenir, même si je suis pas intervenante en agression. Mais c'est peut-être aussi au niveau de la banalisation qu'un enfant... Exact. Ouais. Peut-être qu'on peut pas croire qu'un enfant va agresser un autre enfant. Oui, absolument. On revient à la fameuse culture du viol. On y retourne encore. Encore et encore. Mais c'est un sujet tellement tabou. C'est un sujet qui est tellement tabou, mais mais la banalisation fait partie de la culture du viol. En fait, c'est sa constituante principale. À partir du moment où il y a quelqu'un qui nous confie quoi que ce soit de cette nature-là, il devrait être systématiquement cru, écouté, accompagné. Ça se peut que la personne en dise n'importe quoi. Mais ça, on le découvrira par le processus judiciaire. Ça, on le découvrira a posteriori. Ça ne veut pas dire de faire du bashing sur l'agresseur. Ça ne veut pas dire de faire une chasse aux sorcières. Mais ça veut dire de minimalement accueillir, de croire la victime de façon inconditionnelle et complète jusqu'au processus judiciaire. Point à la ligne. Mais l'affaire qui se passe avec José... Oui, tu as raison, Tony, mais José... c'est juste sur vivre ça, là, cet élément-là, puis dire, ben, parce qu'il n'y a pas de temps, en fin de compte, pour revenir là-dessus, hein. Je veux dire, tu pourrais passer 5 ans, 10 ans, puis... Mais juste revenir là-dessus, mm-hmm. ça demande de l'énergie. Puis des fois, il y a des gens qui disent, « Ah non, je ne veux pas revivre ça, tu sais. » Oui. Fait que tu es un peu là-dedans. Il faudrait qu'elle soit accompagnée. Puis je ne sais pas si ça y tente de le faire, mais l'important, c'est d'être vraiment près de ton enfant, tu sais. Puis qu'est-ce que tu dis tout à l'heure, ça, je trouve ça super, « Maman te croit. » Mm-hmm. Ça a été super qu'est-ce que tu as fait. Oui. Je pense que... Mais j'ai été chanceuse d'avoir les bonnes ressources, les bonnes personnes que je pouvais téléphoner, oui. Qui étaient disponibles, que je connaissais, qui étaient expertes en situation de crise, d'agression sexuelle. Oui, puis en plus, tu avais des ressources internes que tu étais capable. Mettons la même situation chez une maman qui n'a pas d'études, qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'entourage. Et qui n'a pas la connaissance de ces organismes-là ou de ces intervenants-là autour, à quel point, justement, ils peuvent se faire... Organiser, diriger, manipuler, à la rigueur, ouais. par le système qui est mal fait, qui est rempli d'incompétents. Je le répète, d'incompétents. Ben, attends une minute. Peut-être pas manipulés, mais disons... ben oui, rendu là, c'est manipulé. Ils sont faits, ben, peut-être pas, mais qui sont faits induire en erreur. Ben, c'est plus ça, là, parce que manipuler... C'est pas loin. Manipuler, parce que manipuler, ça prend l'intention. Il y avait-tu l'intention d'aller se coucher, le gars? Ben, le gars, il avait l'intention peut-être finir ça vite, hein? C'est ça. Ben, puis, voilà. Moi, j'appelle ça manipuler. Il n'a pas tenu compte de l'enfant. Le bien-être. Un enfant de 5 ans, c'est un enfant de 5 ans, là. C'est ça. Mais chapeau aux politiques qui ont bien... Oui, bravo. Dans le fond, tu me disais... Soulignons le positif. Oui, parce que oui, eux autres, ils ont bien fait leur travail. Dans le fond, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, mais moi, j'étais... Une ou deux fois... Je pense que c'est une fois, mais tout de suite, le lien, il était capable... Tu sais, était gêné, elle ne voulait pas au début. Ils m'ont dit exactement quoi dire. Puis rendu par la suite, quand elle est sortie de la rencontre, elle était bien. Le lien, elle l'avait créé. Suite avec eux. Fait qu'ils avaient réussi à aller, mais oui, une belle intervention policière, mais ils sont formés, ils sont habitués. Oui. C'était-tu des femmes qui étaient... C'était des hommes. C'était des hommes. Deux hommes. Ouais. Malgré le fait que ce soit deux hommes. T'sais. Deux hommes, mais vraiment, là... Faut dire que les policiers, des fois, ont des jobs d'intervenants, de travailleurs sociaux, hein, parce que c'est multiple l'intervention qu'ils font, les policiers. Certain. C'est pas seulement l'image du gros bras, la brute épaisse, là, qu'on nous envoie dans les médias. Mais c'est souvent des gens qui ont appris à comment dealer avec une situation qui est problématique. En tout cas, des gens sensibles qui ont été à l'écoute puis empathiques cette fois-là, certainement. Oui. Oui. Bien, on les salue, par ailleurs. Oui. Ouais. OK, sur ça, on vous quitte pour une courte pause. On va revenir avec nos salutations d'usage et... Tu peux rester avec nous, hein? OK. Au retour après la pause. J'ai manqué ma pause. Vous êtes assez fou? 89,1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou 89.1. Chris. C'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.fm. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de C'est fou 89.1. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. De retour à C'est fou, le sexe, la meilleure émission. L'éducation à la sexualité, le matin. Le matin, le mardi matin. À l'est de la chasse-galerie. Donc, je voudrais... C'est quoi le parallèle qui passe ici? C'est le 45e parallèle, hein, dans le coin de Montréal. Oui, ouais, c'est ça. À l'est du 45e parallèle. À l'est du 45e parallèle. C'est ça. Et ouais, c'est ça. OK. Ça pour dire que mon bouche est trou. Okay. Oui. C'est que notre invité. Ça pour dire que tu me coupes à chaque fois que j'essaie d'ouvrir la bouche. C'est vrai. Oui, laisse-moi parler, Pierre, bon, attends. Tout ça pour dire que merci beaucoup d'avoir été là ce matin, José, c'est ça? Oui. Ben merci à vous. Ça fait que, ça a été, enrichissant aussi. Oui, Mais merci beaucoup et ben, ça a été une belle démonstration de courage que de venir nous parler de ça ce matin. Ouais. Ben merci à vous. Merci bonne journée. Bonne journée. Ouais. Salut. Là. Et bonne grippe. Merci. Hey boy, hein? Bonne grippe. Donc, moi, je voulais revenir. Oui, bien sûr. Oui, vas-y. Je voulais revenir sur le reportage que J.E. a fait. Dans le fond, je suggère à tout le monde d'aller voir, parce que c'est très intéressant. Au-delà du vécu, parce qu'ils ont, rencontré trois mamans qui ont vécu avec leur enfant des situations d'agression. Et puis, au-delà du témoignage des mamans, ce qui est soulevé par les journalistes, c'est le manque de ressources, tu sais, le manque de cadre autant au niveau des écoles, parce que les agresseurs, quand ils sont reconnus, même s'ils ont moins de 12 ans ou plus de 12 ans, parce que c'est arrivé aussi dans des écoles secondaires, ouais. Les agresseurs restent à l'école et ce sont les agressés qui doivent quitter. Ça, c'est ridicule, par contre. C'est très ridicule, c'est ça. Je dis pas qu'il faut les démoniser non plus. Ils ont besoin de soutien. Exactement, ils ont besoin d'être pris en charge maintenant. C'est sûr. Dire, écoute, ce que tu as fait, c'est grave. D'ailleurs, on a Maître Pascal Albernaet, qui est sexologue et psychothérapeute parmi nous, sur Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? De la prise en charge des jeunes agresseurs de moins de 12 ans. Comment qu'on devrait gérer ça? On les kick out de l'école, on les brûle sur un bûcher, on fait quoi avec eux autres? Il n'y a pas de loi, là. Hein? En fait, il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est vrai que des fois, ça peut différer de soit d'école en école ou de commission scolaire en commission scolaire ou de région en région. Mmh. Parfois, les procédures, on sent qu'ils sont pas tout à fait les mêmes ou sont pas appliquées de la même façon. Là. Notamment, j'entendais l'invité à la radio quand elle parlait de l'intervenant qui venait à l'hôpital. Je sais pas si c'était pour l'application de la trousse médico-légale ou médico-sociale. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est fait différemment de région en région. Mais tout ça pour dire... l'article dont vous parlez aux nouvelles, là, je viens d'arriver, mais pour me situer, on parle d'agressions commises par des enfants sur des enfants. Exact. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment délicat, puis le fait que le jeune à l'école, dans le fond, reste souvent à l'école, ça fait une espèce de... pas un double standard, là, mais c'est pas le bon mot, mais ça crée quelque chose de particulier pour la victime, parce qu'elle, elle se retrouve constamment en contact avec, entre guillemets, son agresseur. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer. Tu sais, la nature de l'agression, ça a été fait à combien de fois, tu sais, la fréquence, Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce que la jeune petite fille ou le petit garçon qui a été agressé, est-ce qu'il craint pour sa sécurité encore? Ou au contraire, ça dépend comment que lui aussi a vécu l'événement. Des fois, par nos yeux d'adultes, on tend, entre guillemets, à dramatiser, même si c'est pas quelque chose de banal, mais tu sais, des fois, on tend à dramatiser puis à penser que la jeune fille ou le jeune garçon ont vraiment des grosses séquelles, mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, des fois, c'est vécu comme quelque chose de grave, mais c'est pas nécessairement que c'est vécu comme un traumatisme toujours ou que ça va perdurer dans le temps ou que les symptômes vont sortir immédiatement au niveau, tu sais, d'un trauma. C'est perçu comme un mauvais jeu, un jeu qui était désagréable. Ben, encore là, tout dépend de l'agression. Tu sais, on parle-tu d'un attouchement, on parle-tu d'un petit garçon qui s'est exhibé, qui a montré son pénis, la petite fille, elle a eu peur, ou tu sais, ça, des fois, il y en a qui, ça va jusqu'à tentative de pénétration parce que le jeune essaie de simuler une relation sexuelle, puis la petite fille ou le petit garçon n'est pas consentant. Fait que tu sais, c'est ça dépend toujours. Puis, est-ce qu'il y a eu de la coercition? Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il y a eu des menaces? Est-ce qu'il y a eu de la violence? Il y a des facteurs aggravants, en fait. Puis ça, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Mais pour revenir aux enfants, clairement qu'un jeune qui agresse un enfant, on prend pas ça à la légère. Il y a quelque chose qui, tu sais, pour que ce jeune-là passe à l'acte, qu'il y a des comportements inapproprié comme ceux-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe pour lui ou à la maison, ou peut-être que lui-même a été victime d'agression, fait qu'il y a une prise en charge à faire immédiate. Mais cela dit, aux yeux de la loi, entre autres, aux yeux de même de la société, entre guillemets, on ne mettra pas une étiquette d'agresseur sexuel sur le front d'un enfant. Non, vous me suivez, ça. Là? Et c'est clairement pas ce qu'on veut apporter ici, fait mais c'est plus... Si on ne lui met pas une étiquette, à ce moment-là, si on dénonce pas le... on l'étiquette pas comme un danger, on va dire, d'une certaine façon. Ben c'est justement qu'est-ce qu'on fait avec. Puis je pense que ce qui est compliqué en ce moment, c'est la question de la confidentialité. Parce que là, on parle d'une victime puis d'un agresseur, exemple, dans la même école, de deux jeunes enfants. Puis souvent, ce que les parents des victimes vont déplorer, c'est que à cause de la confidentialité, je ne sais pas c'est quoi les mécanismes qui sont mis en place pour le petit garçon qui a agressé. Et ça ne me rassure pas comme parent et je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est comme j'ai l'impression là qu'il y a justement une patate chaude, une bombe là, qui se promène dans l'école, qui pourrait exploser n'importe quand puis qui pourrait encore affecter ma fille. Fait que peut-être que ça serait à réviser. Je ne dis pas de briser la confidentialité, mais à un moment donné, tu sais, on parle de deux enfants. On est en train de dire qu'on n'est pas en train de vouloir procéder à judiciariser la patente. Stigmatiser le petit garçon. De stigmatiser, mais on veut rassurer, tu sais, de part et d'autre, je pense, les deux familles. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça serait intéressant, au moins d'informer, bien, écoute, inquiète-toi pas, le petit garçon a été pris en charge. Puis, je sais pas, moi, il y a un suivi, il y a un signalement à la DPJ qui a été fait, il y a des interventions qui sont mises en place, il y a un suivi, on est allé vraiment vérifier pourquoi que ça a été fait, il y a l'éducation à la sexualité qui a été faite, tu sais, il peut y avoir plein de choses, là, qui peuvent être faites. Fait qu'à ce moment-là, ça fait déjà une différence, puis aussi, quand les adultes le savent, pas pour... encore là, stigmatisé ou quoi que ce soit, mais pour rassurer les parents de la victime aussi qu'il y a un encadrement sécuritaire à l'école. Fait que, tu sais, par exemple, de dire à ces parents-là à qui c'est arrivé, à la jeune fille ou au jeune garçon, de dire, ben là, l'information, elle a été comme diffusée, pas d'une façon encore là à stigmatiser, mais une information qui a été diffusée pour dire, ben on reste alerte. Il y a cette situation-là qui est vécue entre les deux enfants. Donc, tu sais, est-ce qu'on peut avoir une attention particulière pour s'assurer, je sais pas, tu sais, qu'on observe les échanges qui se passent entre eux, s'il y en a? Est-ce qu'on observe qu'il y a des... Est-ce qu'on peut être à l'écoute, justement, s'il n'y a pas des petites confrontations de gang? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus isolé, qui est plus taciturne? Est-ce qu'il y a des propos déplacés, inquiétants, etc.? Fait que ça aussi, c'est important d'informer les gens autour dans l'école. Peut-être pas tout le monde, mais tu sais, des personnes clés qui peuvent venir en aide à ces deux enfants-là, puis sonner l'alarme si on voit aussi qu'il arrive quelque chose. Et si... On est dans l'accompagnement, finalement. Mais la prévention, l'accompagnement. Mais si, dans le fond, on est en état d'observation, on rassure les parents que oui, on observe, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mise en place? OK, on a observé tel fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, est-ce qu'il y a un pouvoir, autant à l'école, à la DPJ, sur les actions ou est-ce que c'est libre à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a rien de régie là-dedans? C'est ce que j'ai compris, moi, en tout cas. Hein? Non, il y a des choses obligatoires qui peuvent être mises en place, mais ce que je dis, c'est que ces choses-là sont confidentielles. Donc, le parent de la victime n'est pas nécessairement au courant qu'il y a un suivi de DPJ qui a commencé. Fait que pour lui, c'est pas rassurant, tu sais. On peut pas vraiment lui en parler. Mais normalement, tu sais, puis encore là, je reviens à la gravité, puis ça, puis ça fait en sorte que, exemple, bon, mon enfant est agressé par un autre enfant. Bon, automatiquement, là, normalement, là, automatiquement, il y a un signalement à la DPJ qui est fait. Puis comment que ça se passe à la DPJ? Bien, eux reçoivent le signalement pour ces deux enfants-là, c'est-à-dire l'agresseur ouais. et la victime, l'agressé. Et les intervenants, bien, premièrement, ils vont évaluer s'ils retiennent le signalement au téléphone quand on les appelle. Fait que s'ils retiennent le signalement, il y a des intervenants qui vont se déplacer pour en faire l'évaluation. Si à l'évaluation, on dit « OK, c'est un signalement qu'on retient », bien, il y a une équipe qui va être affectée à établir des mesures pour aider ces deux jeunes-là puis ces deux familles-là. Donc, obligatoirement, je ne sais pas que… Mais c'est ça l'affaire. C'est peut-être que à l'évaluation… Les intervenants vont dire « Ah, ben c'est arrivé une fois » ou les parents sont supportants vis-à-vis le petit garçon qui a commis le geste ou supportants vis-à-vis la victime. Fait que ça fait en sorte, des fois, que l'intervention arrête là puis qu'on a l'impression « Mais non, il n'y a pas d'aide qui a été offerte. » Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui a décidé de, tu sais, que ça méritait pas, parce que je sais pas si c'est bon. Que les parents ou que l'entourage actuel était suffisant pour offrir un encadrement. C'est ça. Puis que c'était le geste commis était peut-être pas assez grave ou peu importe. Mais en tout cas, ils vont évaluer que, OK, bon, on n'est pas obligé d'aller dans des mesures supplémentaires. Puis ils peuvent diriger le jeune vers un suivi au CLSC avec une travail sociale, puis ça. Mais encore là, vous parliez tantôt plutôt. Ça prend des ressources spécialisées au niveau des agressions sexuelles, au niveau des enfants aussi. Mm-hmm. Donc, en tout cas, on espère que nos intervenants au CLSC, peut-être pas lui qui a vu à l'hôpital, là, bon, certainement pas. Mais c'est sûr que c'est des problématiques qu'ils voient au CLSC par rapport à des enfants qui ont vécu des agressions sexuelles, mais on le sait, là, tu sais, les listes d'attente sont longues, tu sais, ils ont des caseloads, c'est-à-dire ils ont beaucoup de clients par rapport à ce qu'ils peuvent prendre. Donc, les suivis, des fois, sont peut-être pas aussi serrés. On fait pas toutes ouais. les actions qu'on veut, c'est comme ça. On le veut. Ouais. Puis des fois, bon, on ferme plus vite les dossiers quand on voit ouais. que c'est réglé. Mais, tu sais, en fin de compte, il aurait peut-être fallu maintenir ça plus longtemps pour s'assurer que les résultats se maintiennent dans le temps. Moi, une chose que j'ai quand je lui ai parlé auparavant à José, elle me disait que dès ce moment-là, elle avait ouvert un dossier au, c'est-tu le CALAC ou le CAVAC, en tout cas. Mm-hmm. Déjà, comme ça, elle me disait, si plus tard, elle en a besoin, elle pourra y aller, tu sais. Ça, j'ai trouvé que c'était une belle précaution qu'elle avait prise, là. Bien, en fait, les services que tu nommes, les CALAC, c'est les organismes d'aide là, pour les victimes... d'aide contre les... En tout cas, les personnes qui ont... premièrement, c'est les femmes de plus de 12 ans qui ont été victimes d'agressions sexuelles peuvent se référer au CALAC. Mmh. Et le CAVAC, c'est les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Puis ouais. c'est, les CALAC, pour les victimes d'agressions sexuelles, oui, il y a des listes d'attente. Donc, pour la plupart, là, en fait, on s'inscrit, je veux dire, on appelle, on demande les services, puis on va avoir les services éventuellement. Au CAVAC, à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, il n'y a pas vraiment de liste d'attente. Fait que, tu sais, c'est pas nécessaire de s'ouvrir un dossier. Je veux dire, la petite fille ou la maman peut ouvrir un dossier n'importe quand. Là. Mais peut-être que ce qu'elle parlait, juste pour vous mélanger encore plus, ah, oui, vas-y. Il existe l'IVAC, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est peut-être par rapport à l'IVAC. À ces services-là, dans le fond. Oui, mais encore là, tu sais, habituellement, quand on fait appel à l'IVAC, quand on fait la demande, c'est pour avoir des services immédiats. Donc, en tout cas, je ne suis pas trop certaine. Il faudrait vérifier que la maman, là, c'est quoi sa démarche. Comme tu viens de mentionner, c'est plus de 12 ans. Qu'est-ce qui arrive aux enfants de moins de 12 ans? Quel service est possible d'avoir pour eux? Excellente question. Le centre, puis pas juste pour les femmes, mais pour les filles, je veux dire, pour les petits garçons et pour les filles, c'est le centre Marie-Vincent à Montréal. C'est vraiment la ressource spécialisée. Donc, c'est ça. Ils font de la thérapie aussi pour les enfants qui ont des comportements inappropriés. Ils font des thérapies pour les victimes. Le centre Marie-Vincent à Montréal, tous les services sont centralisés. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, des témoignages à aller chercher, des dépositions, de la police, tout ça se fait à la même place, au centre, avec des, vraiment des intervenants ultra formés. Là. Oui, c'est ça. Puis eux-mêmes, le Centre Marie-Vincent dispense là, de la formation aux intervenants pour ceux qui souhaitent se spécialiser auprès des enfants. Mais il n'y a rien d'autre à part à Montréal. Mais sinon, sinon, ça revient encore à... Non, à Trois-Rivières, on revient au CLSC. Okay. Mm-hmm. Puis DPJ qui peut offrir du soutien dans la mesure où les enfants sont en danger et qui sont ou que leur développement est menacé ou des choses comme ça, ou que les parents prennent pas la situation suffisamment en charge. La DPJ va arriver au niveau de l'application des mesures pour s'assurer de la sécurité des enfants. Mais si le... Si le dossier est pris en charge par le CLSC, la DPJ, elle n'a pas vraiment pas qu'elle a pas d'affaires là. Le dossier peut continuer à rester ouvert, mais les intervenants ne s'impliqueront pas nécessairement. Dans le sens que, ben là, on voit des parents qui sont actifs, autant pour le petit garçon qui a eu des comportements inappropriés ou pas. Puis, donc, c'est pas ça. Pas de doublement de service, dans le fond. Oui. Puis, en Mauricie, si je me trompe pas, ils ont un groupe aussi, je ne me rappelle plus le nom, pour les jeunes là, qui ont des comportements sexuels inappropriés aussi. Fait qu'il y a un groupe de suivi, un genre de groupe de, okay. de soutien. Mais je sais pas à quel âge qu'il démarre, ce groupe-là. Je sais pas si c'est pour les adolescents ou si ça inclut les enfants. Mais sinon, c'est ça. C'est la ressource du CLSC. Mais c'est touché. On le dit, c'est des services spécialisés. Je peux pas vraiment me prononcer à Trois-Rivières jusqu'à quel point nos intervenants sont spécialisés sur... À la fine pointe de... c'est ça. Non, mais il aurait pu y avoir aussi quelque chose à Québec, des grands centres. Oui, c'est Montréal, il y a quand même Québec et les régions environnantes, dont nous, qui sommes Trois-Rivières. Parce que j'ai fait aussi beaucoup de recherches par rapport au sujet de l'émission aujourd'hui, puis il y a beaucoup de parents, justement, qui n'avaient aucune ressource, qui n'avaient aucun suivi, aucune aide par rapport à leur enfant, parce que je ne sais pas si c'est les gens des CLSC ou ces places-là qui disaient, ben on ne peut rien faire parce que le jeune qui a touché ou qui a violé votre enfant a sensiblement eu une problématique puis n'a pas fait ça de façon consciente. Puis ils vont vraiment comme banaliser... ce côté-là, tu sais, de l'agresseur. Ça, c'est des histoires que tu as entendues? Oui, c'est sur TVA, sur... j'ai juste fait une recherche Google, puis c'est tout ce que j'ai lu. Mais c'est sûr que ça crée un gros malaise, tu sais. Il y a un tabou par rapport à ça. Ouais. Tu sais, les gens, justement... Puis tu sais, on parle, par exemple, à l'école, c'est pas nécessaire... Bien, les profs sont pas... formés pour accueillir ces problématiques-là. Là, les psychoéducateurs, les TES, c'est à voir. Mais tu sais, il y a une question de ressources et de temps. Tu sais, c'est des problématiques qui prennent du temps, puis il faut... Ça prend aussi pas juste du temps, mais ça prend l'implication souvent des parents, parce qu'on parle des enfants. Puis, tu sais, en tant qu'intervenant, t'as aussi un travail de, bon, ben justement, si je vois, par exemple, que les parents s'impliquent pas, assistent pas aux réunions de l'école, tu sais, on a de la misère à avoir leur collaboration pour maintenir un système comme un genre de filet de sécurité autour de la victime, puis autour de l'agresseur aussi. Mais tu sais, c'est ça, là, à un moment donné, il faut monter plus haut, puis regarder au niveau de la DPJ, parce que c'est seulement la DPJ qui peut arriver avec des mesures contraignantes, c'est-à-dire d'obliger un parent. Okay, c'est parce que la loi leur permet de mettre en place des mesures, justement, pour protéger les deux enfants. Ouais. Mais tu sais, l'école ne peut pas obliger un parent à se déplacer, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ton jugement de professionnel à l'école, ton jugement de professeur, de dire, bon, ben là, moi, je fais quoi avec cette situation-là? Je vois qu'il se passe rien, ça bouge pas. Le jeune continue à déranger puis à montrer des signes de comportement inapproprié, ben, t'sais, il faut aller plus haut. Là, à un moment donné, là, c'est dommage, mais on est dans l'obligation de faire un signalement à ce moment-là. Bon, ben avis à tous les étudiants en éducation. Oui, c'est ça. Mais secondaire. Il y a quelque chose, je vous écoutais dans mon auto, puis c'est tellement dommage l'intervention que la petite fille, elle a eue à l'hôpital. D'une part, le contexte, c'était pas favorable. Si on la réveille, il est minuit, puis ça. Tu sais, ça de faire parler un enfant à minuit, là, c'est n'importe quoi. Là, c'est un peu particulier. Là. Mais c'est tellement dommage parce que ce sont la première intervention ou les premières interventions. Tu sais, ceux qui sont sur la première ligne, là, puis qui ont tous les intervenants qui nous écoutent, puis qui font de la crise, puis de l'urgence après un acte criminel. c'est souvent là, c'est ça, c'est la, les premières interventions, c'est celles qui vont teinter souvent le la résilience, comment que la personne va se remettre de cet événement-là, par l'accueil, par le fait qu'elle a été crue, par le fait qu'elle a pu verbaliser ses émotions, fait qu'elle a pu raconter son histoire. Fait, puis plus c'est fait rapidement, plus c'est fait dans un contexte où la victime se sent en sécurité, puis d'une façon humaine, avec justement un intervenant à l'autre bout qui a des belles compétences, plus que cette personne-là a des meilleures chances de se rétablir rapidement. Ouais. Tu sais, si par exemple, moi je suis victime d'une agression sexuelle, mais je vais consulter dans un mois plus tard, il y a quelque chose où là, moi, il y a déjà des symptômes, des séquelles qui se sont installées, qui commencent à se cristalliser, des peurs que j'ai pas travaillées, j'ai comme intériorisé toute cette souffrance-là. Mais si, par exemple, je suis victime, puis là, je me rends à l'hôpital, j'ai une belle intervention le soir même, le lendemain, puis là, j'ai un support, puis on me donne des ressources, bien, le fait d'être encadré, d'avoir ce filet de sécurité-là autour de moi va faire toute la différence. Fait que c'est la même chose pour les enfants. Fait que je peux comprendre la madame d'avoir été bien fâchée par rapport à ça. Ouais. Puis, peut-être que c'est difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais été victimes d'agressions sexuelles. Mais je vais vous remettre en contexte. Vous allez vous imaginer que là, présentement, aujourd'hui, je ne vous le souhaite pas, mais vous faites un accident en voiture. Et c'est à moindre mesure, on s'entend. Mais vous faites un accident quand même assez important. État de choc. Mais Le premier intervenant qui vous sort de la voiture, le pompier, disons, vous dit « Mais t'es donc bien innocent, qu'est-ce que t'as fait là? » Il vous met la faute dessus et vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à rembarquer dans une voiture. Si vous attendez un mois ou deux mois avant de conduire à nouveau, ben c'est là où vous allez garder peut-être des craintes, des peurs, puis peut-être développer des phobies, peu importe. Mm-hmm. Fait qu'imaginez quand ça vient toucher l'intimité de l'être à ce niveau-là, c'est totalement destructeur, finalement. Donc, la première action, si elle est de l'ordre de « T'es-tu sûr de? » Moi, ça se peut-tu que t'aies menti? Bon, le Doc Mayou sort de ce corps. Fait qu'il y a la réaction des intervenants en première ligne, la rapidité aussi dans laquelle on fait l'intervention, comme je dis, de pas attendre. Mais il y a aussi la réaction de l'entourage, des enseignants, du parent. C'est démontré que, par exemple, un parent qui fait un genre de qui panique ou qui dramatise plus que qu'est-ce que l'enfant lui est en train de vivre, ça va faire en sorte que l'enfant va vivre plus mal. Il va avoir l'impression qu'il vit quelque chose de grave, alors que lui, je dis pas que c'est le cas pour tous les enfants, là, mais je veux dire, mettons un enfant que lui le vit d'une façon modérée, c'est un parent qui réagit de façon grave, mais ça va accentuer les symptômes du jeune. Ça va comme accentuer le scénario que lui se fait de cette histoire-là. Ce qui, par ailleurs, avec notre invité, faut noter que dans l'histoire qui nous a été contée là ce matin, la maman a quand même un réflexe exemplaire dans son comportement, dans son attitude, justement dans ce que tu dis, d'essayer d'être un poker face, qui prend très, très calme, accueillante. Et de sans croire. Trop poser de questions. Exactement. Ça a-tu été nommé? Pourquoi qu'il ne faut pas interroger l'enfant? Non. Non, mais on va revenir après. Parce que je veux. On va à la pause. On va aller à la pause, mais on va surtout permettre à Mémeni d'aller étudier. Parce que. Manger aussi. Manger et étudier, ou étudier en mangeant, ou manger en. En tout cas, se préparer à son examen, là. Exactement. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir été là ce matin, d'avoir nous avoir amené permis de rencontrer José. Donc, merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Bien, on se revoit la semaine prochaine. Bon, bien, c'est super. Salut! Bon examen. Bye. Merci. Salut. Sur ce, je vais aller prendre une gorgée d'eau parce que je suis en train de perdre la voix. Et on vous revient tout de suite après la pause. Tu veux avoir du sexe plein les oreilles? Reviens-nous à C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Vous êtes à C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Du

De retour à C'est fou le sexe. On était en grosse discussion sur pendant la pause. C'était torride. En fait, pourquoi qu'on a engagé, qui fait partie de l'émission. On en est venu au constat que je suis le seul dans l'émission à avoir été engagé pour son corps. Donc... Parce que tu as un corps de Dieu, j'ai un Anthony. Corps de Dieu, oui. Un Dieu grec. Un corps d'Adonis. Un Dieu chinois, je dirais. Adonis. Le Bouddha. Bouddha. Jupiter. Non, tout ça se plante. Zeus. Bouf, pense pas. Ben oui. Bon. Je sais pas, hein. Y a-tu un bûcheron à quelque part qui est un dieu? Peut-être un dieu scandinave. Les Québécois étaient des Lumberjack. Ouais. Je suis peut-être le ouais. On est des descendants de Lumberjack, tout le monde. En passant, ok, non, j'ai rien à dire. Bon, ben c'est bien. Ouais. Dis donc lui-même. Ça a repris 2 ans et demi, mais on va l'avoir. Profitez-en. Je n'ai pas pris de médication un matin. Ok, Pascal, tu voulais ben, si tu veux bien nous compléter un peu, faire un petit tour de chapeau là-dessus. Oui. Mais en fait, il faudrait la présenter. Oui, ben tantôt, oui, ça s'est fait assez... ça s'est fait à l'avant-vite. Oui, ça s'est fait. Ah oui, OK. Oui. Mon Dieu, ça s'est fait à l'avant-vite. Je m'en étais pas rendu compte. Ah, je suis rendu un expert pour t'introduire. Donc, mais oui, Maître Pascal Albernat est psychothérapeute, sexologue et psychothérapeute. Oui. Ici, double maîtrisé. Bastard. Je sais que ça... Je pense que je viens de perdre toute ma crédibilité. On est tellement... comment je pourrais dire? Fasciné par le fait qu'il y ait deux maîtrises. Vous avez tous des profs avec des doctorats, là. Oui, mais quand même! Et des postdocs. Regarde, moi, j'ai 2 bacs. Moi, en tout cas, je serais jamais capable de faire 2 maîtrises. Fait que je te trouve vraiment courageuse d'avoir quand même fait ça. Fait que bref... C'est pour ça que je me fais un malin plaisir. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est quand même, on a quand même la science infuse avec nous, hein. Trop d'éloges, ça me sort par les oreilles. Tu seras plus capable de passer par la porte tantôt. Oui, on était en train... 2 bacs à litière. On était en train d'expliquer... mon micro est ouvert. Ouais. Oui, on était en train d'expliquer avant la pause... en fait, je soulevais justement si vous aviez parlé le pourquoi de ne pas interroger, pas juste les enfants, mais les victimes d'agressions sexuelles quand on reçoit des confidences. En fait, oui, c'est important de recevoir les confidences, d'être à l'écoute, d'accueillir la personne, de dire qu'on la croit, qu'on est là pour l'aider, qu'on va l'amener vers les ressources, etc., etc. Mais d'interroger puis d'aller questionner l'agression, qu'est-ce qui s'est passé, demander les détails, il faut éviter de faire ça à tout prix parce que on peut être en train de comme de biaiser au niveau du témoignage. On peut amener, comment je peux dire, en fait, quand si la personne veut déposer une plainte, le fait, nous, d'avoir interrogé la personne peut faire en sorte que sa déposition soit pas retenue au niveau de la cour. Okay. Parce qu'on pourrait dire, justement, qu'on a comme altéré ou qu'on a induit des informations, bref, fait que le moins possible... questionner. On est juste dans l'accueil, on n'est pas dans les questions. C'est vraiment des spécialistes, les policiers qui font les interrogatoires, ben pas les interrogatoires, mais ceux qui vont prendre la déposition de la personne. C'est vraiment des spécialistes au niveau des agressions sexuelles. Ils ont des formations spéciales pour comment recueillir les témoignages des enfants, surtout des adolescents, des adultes aussi. Donc, voilà. Fait que très important. Je sais pas si vous vouliez qu'on parle un petit peu plus ou on... Ben, j'aurais plein de choses à dire sur le sur le sujet. Ben, disons brièvement. Brièvement. Tu sais, des fois, on se demande justement pourquoi il y a un écart entre le taux signalé, le taux d'enfants qui signalent des agressions sexuelles, puis le taux réel, c'est-à-dire tous les enfants qui peuvent être abusés sexuellement. Ben, premièrement, il y a la perception de l'enfant. Des fois, l'enfant ne va pas percevoir tout le temps que c'est une agression. Mm-hmm. Fait que ça fait en sorte qu'il n'est pas amené à le dénoncer. Toujours aussi la crainte de représailles, la crainte des menaces, des conséquences. Est-ce que je veux briser ma famille? T'sais, là, j'aime mon père, mais là, je vais être en train de dénoncer mon papa. Est-ce que mes parents vont se séparer? Le fait aussi d'être dépendant par rapport aux adultes. T'as une maman, un papa qui te nourrit, qui te loge. Fait que, t'sais, si l'agresseur est dans ta famille, ben c'est difficile de dénoncer ces gens-là. Oui, puis évidemment, les enfants sont très, très... naïf là-dedans, ou où ils vont adorer quand même le parent, même s'il leur fait du mal. Là. On le voit chez les enfants battus, qu'il y a quand même cet amour-là qui se poursuit. T'as aussi des parents abuseurs, très abuseurs, qui vont dire « t'as pas honte de faire ça à ton père, hein? » qui vont culpabiliser l'enfant par rapport à ça. Oui. Et ça, c'est épouvantable. Mais il y a différents types d'agresseurs sexuels. On pourra en parler une autre fois, mais effectivement, il y en a qui utilisent les menaces puis l'intimidation. Puis un autre facteur aussi qui fait qu'il y a un taux dénoncé puis un taux réel, c'est aussi la formation des intervenants ou l'entourage, comment est-ce qu'on recueille ou comment est-ce qu'on arrive à dépister ces enfants-là. Parce que des signes, il y en a souvent, mais les gens ne sont pas nécessairement... à l'écoute de ces signes-là où on ne considère pas que ça peut être relié à une agression sexuelle. Tu sais, je donne un exemple. Tu sais, des conséquences des agressions sexuelles chez un enfant, par exemple, ça peut être des enfants qui ont des régressions. Fait que des enfants qui recommencent à faire pipi au lit, des enfants qui vont se mettre à pleurer, à faire des crises dans certaines situations, dans certains contextes, par exemple, je sais pas moi, si l'agresseur, c'est un membre de la famille, si l'agresseur, c'est un membre de la famille, ben, tu sais, si on a un souper chez mon oncle ou chez ma tante ou chez grand-papa, puis l'enfant, à chaque fois, il dit « non, je veux pas y aller », puis il fait une crise. Ouais. Des fois, ça peut être un signe là, qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est ça. Fait que tous les troubles somatiques aussi, quand on parle de troubles somatiques, c'est comme notre corps qui nous parle que ça va pas bien. Là. Par exemple, les maux de ventre, les maux de tête, ça peut être autant la diarrhée, l'urticaire, l'eczéma, peu importe. Tous les comportements sexuels inappropriés, on l'a nommé tantôt, ben, s'il y a un petit garçon qui est agresseur, ben, là, à ce moment-là, on peut aller vérifier s'il a lui-même pas été victime d'agression ou en contact avec la pornographie, des fois. Ça peut être autre chose qu'une agression comme telle. C'est souvent des enfants qui peuvent être anxieux, qu'on trouve isolés. Puis, parfois aussi, ça crée même des retards de développement. Fait que, tu sais, qu'on parle de troubles d'apprentissage, de la difficulté au niveau du langage. Peu importe le moteur, etc. Donc ça, c'est des conséquences qu'on peut observer chez les enfants. Puis tu sais, quand on se rend à l'hôpital, quand on est victime d'une agression, autant chez un enfant que chez un adulte, la première chose à faire, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide dans les centres désignés. À Trois-Rivières, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est à l'hôpital. Puis tu as un intervenant avec un médecin ou une infirmière qui est désigné à faire passer la trousse médico-légale. Donc, quand l'agression remonte à 5 jours ou moins, c'est la trousse médico-légale qu'on va faire. Puis, fait que ça peut être justement d'aller chercher des prélèvements, aller chercher des preuves. On va conserver les vêtements de la victime. Des fois, il y a des examens gynécologiques qui vont se faire. Regardez s'il n'y a pas. Dans le fond, on est un petit peu à la recherche de l'ADN aussi sur la victime. Fait que, tu sais, en dessous des ongles. Y a-tu des prélèvements qu'on peut aller chercher, des choses comme ça? Le dépistage des TSS aussi peut se faire à ce moment-là. Puis évidemment, il y a toute l'intervention psychosociale qui est faite en même temps. Puis la victime, elle a le droit d'être accompagnée, encore là, ça soit un adulte ou un enfant. Puis la trousse médico-sociale aussi, c'est ça, c'est sans les prélèvements médicaux légaux. Bien ça, c'est quand l'agression remonte à plus de 5 jours. Mais voilà. Puis tu sais, on n'est pas obligé aussi de porter plainte à la police là, quand on fait ces trousses-là. C'est vraiment peut-être dans un but futur, s'il y a une plainte qui peut être faite à la police, bien là, au moins, on a des preuves en réserve, peut-être. Puis on a vu un professionnel, on a eu une porte d'entrée sur des services. Fait que c'est vraiment important. Peut-être en terminant, quand on est face à un intervenant, comme dans l'histoire qu'on a, on a eu vent aujourd'hui, donc il nous a été raconté ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu! Mais tu sais, tu l'as dit, il y a des gens que c'est pas leur métier. Fait que, tu sais, on fait confiance à ces gens-là. Mmh. Mais ça reste qu'on peut avoir à l'intérieur de nous une petite voix, tu sais, un sentiment à dire, ben voyons, il me semble qu'il est trop directif dans son approche. Il fait pas les choses comme du monde. Fait que moi, ce que je ferais. Bien, c'est sûr que dans un premier temps, si le parent voit vraiment que c'est inapproprié, il peut mettre fin à l'intervention, il peut quitter, il peut, seul à seul, comme je pense que la mère, elle l'a bien fait, tu sais, si vous êtes capable, vous pouvez le nommer à l'intervenant, écoute, j'ai vu ça, je me questionne par rapport à comment que ça a été fait le travail. Mmh. Si on n'est pas sûr, on peut justement aller demander à d'autres collègues, d'autres travailleurs sociaux, d'autres personnes, ou même au niveau de l'ordre professionnel, aller vérifier est-ce que lui, il a fait bien sa job. Si le syndic, en fait, si l'ordre, l'autre professionnel de cet intervenant-là dit « Ouais, non, c'est pas vraiment bien fait », ben là, à ce moment-là, eux autres-mêmes vont faire une enquête à l'interne. Notre plainte reste confidentielle. Fait que ça peut être au niveau de l'ordre, ça peut être au niveau de l'hôpital. Puis évidemment, si on voit qu'il y a une intervention boboche là, qui a été faite, le plus vite possible, on amène l'enfant ou la personne vers un intervenant de meilleure qualité. Il faut, faut qu'il y ait une balance là, qui se fait. On peut pas rester avec cette intervention-là qui a été, disons, néfaste. Okay. Là. Ouais. Fait que c'est comme... c'est ça. Faut pas rester avec ça. Faut pas laisser l'enfant avec l'impression que les adultes peuvent pas l'aider ou que les professionnels vers lesquels on l'amène sont pas aidants. Parce que ça peut être dommageable à très long terme. Bien, ça peut peut-être teinter sa vision de, justement, c'est l'aide qui m'est offerte, perdre la confiance en les intervenants. Mais là, il faut mettre... comment je peux dire... Pas faut mettre de l'eau dans son vin, là, mais ça reste que c'est un enfant, c'est faut peut-être. Nuancer, faut nuancer, non, c'est ça. Mais voilà, tu sais, puis. Mais ça arrive, là. Il y a des incompétents, c'est plate à dire, là, il y en a partout. Fait qu'on on essaie d'aller vers les bonnes personnes le plus possible. Mais en même temps, quand tu disais ça, Pascal, moi, j'avais lu un article dans la Cyberpresse, la presse. Mm-hmm. Qui disait que le milieu d'éducation en général et les enseignants sont décoiffés par le type de clientèle qu'ils ont. Des enfants en problème, bon, évidemment, tous les cours qui sont donnés qui font que nécessairement l'enseignant n'est pas préparé à intervenir de façon adéquate puis donner sa matière. Fait que je me dis, Caroline, au jeu d'éducation, c'est plus comme avant. Ça dépend aussi des écoles. Ça dépend de la clientèle de l'école. Okay. Tu sais, il y a des quartiers où, justement, on est plus à risque, plus défavorisés, plus, des fois, avec des problématiques sociales importantes ou des enjeux multiculturels qui apportent une autre couleur, une autre dimension, que ça fait en sorte, des fois, qu'on a une clientèle plus vulnérable aussi. Donc, c'est ça dépend vraiment privée, des écoles. Dans le coin de... au Cap de la Madeleine, c'est une école privée, voyons. Val-Marie. Mm-hmm. Mais à côté, t'as quand même le quartier qui est Sainte-Cécile et les environs, qui est extrêmement pauvre. Mais il y a le CMI qui est juste à côté d'un quartier défavorisé. Mais c'est ça, mais t'as le clash entre les deux, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même affaire. Mais toutes les non, mais quartier Sainte-Cécile, c'est à Trois-Rivières. Anthony, là, tu te trompes avec le Cap de la Madeleine. Oui, parce que c'est Val-Marie, pas... Val-Marie, c'est vrai, ça. Ils sont pas voisins, là. Ben, ils sont pas loin. Même le CMI est dans un quartier défavorisé, puis l'autre école privée... Le séminaire? Séminaire Saint-Joseph. Mais il y a le Carino aussi, qui est dans un quartier défavorisé avec... Carino est comme borderline entre riche et pauvre, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais on va dire que c'est pas la même réalité entre les deux, là. Non. Effectivement. Mais c'est vrai, tu sais, il y a des écoles, ou en tout cas, il y a des milieux où il y a des jeunes avec des besoins particuliers, si je peux dire, puis ça prend quasiment des fois des enseignants là, avec des compétences particulières au niveau de justement des jeunes en trouble d'apprentissage ou en trouble de comportement. T'sais, parfois, les professeurs faudrait quasiment qu'ils aient du cheminement particulier, mais t'sais, la classe est trop grosse puis ils sont pas nécessairement formés pour ça. Ils sont formés en enseignement, mais pas en adaptation scolaire. Donc, ça soulève plusieurs enjeux à ce niveau-là, puis ça dépend aussi de les ressources qui sont disponibles à l'école. Mais ça, pour dire que si votre enfant est victime d'agression, ou si vous avez un soupçon d'agression, il y a les livres de Jocelyne Robert, elle a un livre justement pour les enfants, qui s'adresse aux enfants pour comment expliquer, comment aborder les agressions sexuelles avec les enfants. Fait que ça peut être une belle porte. Puis c'est juste pour faire de la prévention aussi, hein. C'est pas parce qu'on nomme les choses... Puis on n'est pas obligé de nommer les choses blanc ou noir, là, comme quand on parle à un adulte face à un adulte. Quand on parle aux enfants, on va plus aborder ça avec les bons touchés, les mauvais touchés, c'est quoi les parties intimes, qui peut, dans quel contexte qu'une autre personne peut avoir accès à tes parties intimes, en guillemets, mettons, maman, elle te lave les fesses, bon, OK, ça, c'est correct. C'est ça. Mais là, tu sais, si c'est un professeur qui veut venir toucher tes fesses, ben là, c'est sûr qu'on est dans autre chose. C'est la même affaire. Fait que, tu sais, d'expliquer son haut les frontières, l'intimité, les bons secrets, les mauvais secrets. Fait que ça, c'est des choses à aborder avec nos enfants, là, très jeunes. Ouais. Tu parles des bons secrets, des mauvais secrets, puis on va terminer là-dessus, je pense, avec ça. Dans ma famille, directement avec mes enfants, la façon que j'ai instauré les bons secrets, les mauvais secrets, c'est que... mais par contre, c'est peut-être discutable. c'est que avec maman, il n'y en a pas de bons ou de mauvais secrets. Il doit pas avoir de secret avec maman du tout. Même à la rigueur, c'est une surprise pour maman. T'as envie de dire, tu lui dis. C'est mm-hmm. pas dramatique. Faut au moins instaurer un lien permanent où est-ce que il n'y a aucun secret qui est bon ou qui est mauvais. T'sais, que tu peux te permettre de tout dire à maman, ça va bien aller. Là. Mm-hmm. Puis ça, tu sais, il faut s'observer comme adulte, là, encore là, comme je disais, là, si on est du genre à dramatiser, si on est on a une personnalité anxieuse, tu sais, nos enfants le savent. Tu sais, ils sont un peu fous, là, ils nous voient aller comme parents. Donc, si pour eux, t'es pas une figure sécuritaire à qui tu peux dévoiler ton secret, tu sais, je veux dire, il y a un travail à faire sur nous-mêmes où, justement, ben on prend notre courage à deux mains, on aborde ces questions-là avec nos enfants, mais d'une façon posée, d'une façon calme, d'une façon rassurante. Mm-hmm. Mais tu sais, je suis certaine que vous avez les... Tu sais, tout le monde peut avoir les... Ben, tout le monde, en tout cas, la majorité des gens peuvent avoir les bons mots pour aborder ces questions délicates-là, mais c'est ça, il faut le faire. Puis tu sais, il faut se rappeler aussi que des enfants, là, les concepts larges, ils vont pas comprendre. Là. Fait que justement, le bon, le mauvais... C'est quoi ça, bon? C'est quoi mauvais? Fait qu'on y va avec des exemples concrets. Ben, quand, exemple, un mauvais secret ou un secret difficile, ben, c'est quand t'as de la peine à l'intérieur. T'sais, on peut donner des exemples. T'sais, quand avec tel ami, il t'est arrivé telle chose, ben là, tu sais, t'avais ce petit secret-là que tu portais. Bon, ça, tu vois, ça, c'est un secret que. Ouais, un secret que je t'encourage à dire. Ouais. Un secret qui rend triste, un secret qui donne mal au ventre. Tu sais, quand tu y penses la nuit, le soir, quand ça t'empêche de dormir. Fait que ça, c'est des. C'est des choses que tu dois parler à des adultes pour qu'on trouve des solutions ensemble. Mmh. Exactement. Merci beaucoup, Pascal. Tu restes avec nous de toute façon pour la suite. On est rendu, bien sûr, avec Natacha et sa chronique un peu plus légère. Un peu plus cliquée, hein? On aime ça. Oui, quand même. Moi, je viens dédramatiser la chose. Oui, ça fait du bien aussi. Il fait beau. Il fait relativement chaud. Tu viens changer de sujet complètement, je pense. Oh, complètement. De quoi tu voulais nous parler ce matin, Natacha? Avec le beau temps qui arrive, pourquoi pas sortir les souliers puis vouloir aller s'entraîner? Oui! Hein? Pourquoi pas? Ben écoute, on est tout le temps prêt. Moi, écoute. Fait que c'est un petit sujet en lien avec ça, je te dirais. Dis-nous tout. Le corgasme. Oh, quoi? Le corgasme. Le corgasme? OK, on... Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? En fait, c'est où le comment jouir en levant des poids habillés en lycra. Fait que, et oui, vous avez bien compris, comment jouir en allant au gym. Explique-nous ça. Oui, c'est intéressant. Ça fait m'étouffer avec ça. Fait qu'il y aura un lien entre les exercices physiques et la possibilité d'un orgasme féminin. Fait qu'ici, on parle seulement des femmes. Oui. Fait que Anthony essaye pas de reproduire ça. Ah ben, tu seras que j'ai pas capable. Tu veux dire que les leveuses de poids, ceux qui font de l'haltérophilie, ben, ont des pas juste non? les poids. Mais non? Je pense que... En fait, je vais vous lire ça. Oh boy. Il semblerait que cette pratique soit plus connue qu'on pourrait le penser. Bon. Il y a une étude qui aurait été faite par Jenny Russell, fondatrice du Pelvic Floor Secret. Fait que c'est vraiment chez les athlètes de compétition lors d'entraînement physique qui fait voir qu'il était possible d'avoir des contractions assez fortes pour enclencher un orgasme chez la femme. C'est comme un orgasme un peu mécanique. Mais encore là, je trouve que ça demande un... Ça, pas juste un lâcher-prise, mais il y a quelque chose où... ben oui, un lâcher-prise. En tout cas, j'imagine que ça doit dépendre aussi si tu fais tes exercices seul ou en présence de d'autres gens. Parce qu'il y a quelque chose où, tu sais, ça te demande un certain petit côté exhibitionniste ou un genre de lâcher-prise particulier s'il y a des gens autour de toi pour, tu sais, pour arriver à atteindre l'orgasme. Parce qu'un orgasme, ça vient avec une fantasmatique. On avait parlé la semaine passée de ça. Bien, ça peut être aussi uniquement plus d'ordre mécanique. Bien, ça dit que c'est surtout les femmes qui utilisent principalement les muscles abdominaux. Mm-hmm. Fait que ça vient vraiment travailler peut-être en lien avec les muscles pelviens. Mm-hmm. Fait que, comme tu dis, c'est vraiment... quelque chose de mécanique et non au niveau cérébral qui vient... Parce que Tu sais, autant les hommes que les femmes, là, on parle dans ce cas-ci, les femmes, tu sais, les muscles du plancher pelvien, c'est tout le muscle qui supporte les organes génitaux internes de la femme, entre autres, puis tout ce qui concerne aussi au niveau du rectum, l'anus. Donc, quand on a une... comment je peux dire? Quand on fait des serrements, on appelle ça les exercices de Kegel, tu sais. Ouais. C'est souvent les exercices qui sont proposés par les physiothérapeutes après un accouchement ou pour les personnes qui souffrent d'incontinence pour justement aider à renforcer le plancher pelvien. Puis c'est sûr que ces muscles-là sont, ben, pas qu'ils sollicitent, mais tu sais, c'est interrelié avec la fonction sexuelle. Mm-hmm. Donc, effectivement, on peut probablement, de façon mécanique, arriver à un orgasme pour certaines femmes là, par ces exercices-là. Mais cette étude a été recrutée sur 530 femmes âgées entre 18 et 63 ans. Puis, justement, 124 auraient reconnu avoir joui pendant un exercice sportif. Quand même, 124 sur 530, c'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Puis, 246 auraient confié avoir eu du plaisir sans aller jusqu'à avoir un orgasme, mais quand même avoir éprouvé une petite sensation, le fun. mais même au niveau masculin, là, je veux dire, quand on contacte le plancher pelvien, il y a possibilité d'avoir, de stimuler l'érection, puis d'avoir du plaisir juste par la contraction. Là. Peut-être pas de se rendre à l'orgasme, j'ai pas expérimenté la chose personnellement, mais il y a possibilité aussi. Là. Mm-hmm. Comme tu disais, Pascal, c'est juste peut-être que les hommes, considérant que les organes génitaux ne sont pas internes chez l'homme. Ben, t'en as des organes génitaux. Certains, oui. Oui. Ben, notamment la prostate. c'est ça. Mais oui, pour les hommes aussi, le plancher pelvien est important. Et, oui. Puis tout l'aspect aussi de comment qu'on respire, qu'on arrive à se détendre aussi quand on parle de l'éjaculation ou quand on veut traiter l'éjaculation précoce, on peut aller travailler ce qui concerne le plancher pelvien, le diaphragme, quand on parle de respiration, comment se relaxer finalement. Mais en fait, quelques gars, c'est bon pour tout le monde. Mais moi, je serais curieuse, c'est, par exemple, dans cet article-là, on parle d'orgasme, mais c'est comme si tous les orgasmes s'équivalaient. Tu sais, est-ce que, justement, c'est quoi l'intensité des orgasmes? Comment est-ce que ces femmes-là pourraient qualifier leur orgasme? Est-ce que c'est le même genre d'orgasme que lors d'une relation sexuelle? Ou est-ce que les touchés, la fantasmatique est sollicitée? J'imagine que non. Mais il y a quand même certains pourcentages qui décrivent... tu sais, on a 50% de ces femmes-là qui disaient que c'était durant une activité physique provoquant, évoquant les exercices abdominaux. Puis, plus spécifiquement, si elles soulèvent une barre en même temps. OK. Puis, ensuite... J'ai envie de faire ma joke plate, là. Une barre. Vas-y. Dans le fond, quand on fait... Pour avoir déjà fait, jadis, naguère, des abdos... Ou même des squats, t'as plus envie de te concentrer pour pas péter, bâtard. Là. c'était ça, je pensais. Ça dépend, justement, encore là, si t'es seul, peut-être que là, t'as relâché les gars. Ouais. Là, t'es plus disposé à avoir cet orgasme-là. Mais ben, c'est... là, effectivement, écoute. Peut-être, écoute, on sait pas. C'est dans le lâcher prise, c'est bon. Peut-être qu'ils s'entraînaient tout ensemble avec... de la porn en background, on ne sait pas. Là. Écoute, l'histoire ne le dit pas. Mais il y a aussi 20% que ça serait dû au yoga. Mm-hmm. Puis 15%... Pierre est un fanatique de yoga. Non, mais c'est parce que... 15% avec le vélo, en faisant du vélo, puis 13% avec la course à pied. Mais il me semble qu'en faisant de la course à pied, c'est quand même... Mais là, attends, c'est trois choses que tu nommes. Le yoga, on dirait que c'est moins surprenant parce que c'est vraiment une activité où tu es centré sur toi, ou que tu es dans plus un lâcher-prise, mais c'est comme émotif aussi, pas juste physique, fait où tu ressens plus les sensations, où tu sais, justement, tu es en accord avec ta respiration. Ouais. On dirait ça, pour vrai, ça... En pleine conscience. Ouais, en pleine conscience. En même temps, je me dis, tu sais, vélo puis course à pied, c'est des choses que tu pratiques en général, toute seule. Mais là, tu nommes deux sports où qu'il peut avoir des frottements sur les organes génitaux. Tout à fait. ou que, là, je suis pas en train de dire que toutes les filles font du vélo puis du jogging peuvent avoir une excitation sexuelle. Ah, c'est pas mais, ça, t'sais, ça crie d'un cours de spinning. Mais tu sais, ça pourrait, parce que, tu sais, le vélo, on peut être plus ou moins penché ou sur son guidon, ouais. Ça dépend de la selle. Il y a des selles plus minces qui peuvent venir plus dans l'entrejambe aussi, tu sais. Puis ça dépend aussi de nous, comment qu'on est habillé, tu sais, par rapport à, c'est un petit lycra mince, parce est-ce que ça frotte plus? L'intensité du sport, mais, etc., mais tu sais... Tu étais censé te parler mm-hmm. La mode du yoga nu qui se fait aux États-Unis. T'as-tu entendu parler de ça, Natacha? Oui. OK. Peut-être la prochaine fois, tu pourras peut-être en parler. Je vais faire mes recherches. Cette mode, c'est quand même assez... non, ça vient de... Bien, ça doit être vraiment... C'est très connu dans la communauté LGBT, puis ça, en même temps, en Californie, hein. Oui, mais faut que tu. Je pense que pour faire ça, faut que tu laisses vraiment aller tes barrières de bon. Qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce que je regarde? Tu sais, puis vraiment te centrer sur toi-même. Ça doit être vraiment un autre niveau de juste du yoga conventionnel. Oui, c'est ça. Oui. On sait pas, mais fais de la recherche. Ben, d'ailleurs, il y a du yoga tantrique. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Qui peut amener jusqu'à. Oui. Puis on a failli y avoir une invitée d'ailleurs là-dessus, mais. I miss it. mais tu sais, pour dire, ça fait sens ce que tu dis, mais je serais quand même curieuse de connaître les caractéristiques de comme l'expérience vécue au niveau de ces orgasmes-là. Puis est-ce que ces femmes-là, c'est vraiment plus un orgasme, on va dire, biomécanique, là, mm-hmm. dans le sens, c'est une simulation directe sur les organes génitaux ou un par frottement, ben, peut-être pas dans le cas du yoga, mais tu sais, qui a provoqué un petit peu par les contractions du périnée qui a provoqué qu'il de l'orgasme. Qui doit avoir un lien. Mais est-ce que ces femmes-là, pendant le sport, ont utilisé les fantasmes, tu sais, ça aussi, ça serait intéressant à savoir. Est-ce que, je pose la question, s'il y a, exemple, des débuts de stimuli au niveau génital, est-ce qu'il ne peut pas, à ce moment-là, y avoir un effet de priming? Mais qui sait, ils ont peut-être porté des boules chinoises aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu commences à être stimulé, ça se peut que ça t'en viennent à y penser. Oui. Ou que ça, ah ben finalement, ça me donne le goût, j'y pense, et là, ça vient accentuer, et ça vient peut-être même. C'est comme un escalade. Oui, c'est ça. Ben, ça peut. Tout est possible pour vrai, j'allais dire, dans le monde de la sexualité. Mais ça, j'ai jamais entendu parler personnellement. Ben, je sais pas spécialement, mais je veux dire que c'est pas nouveau d'entendre ça pour moi, puis je suis pas surprise, surtout quand on parle d'exercices qui sollicitent le plancher pelvien, mais tu sais, ça pourrait, là, effectivement, ouais. Bon. Mais encore là, tu sais, faut pas... je pense que l'article, c'est surtout pour pas dédramatiser, mais tu sais, les femmes à qui c'est arrivé, bon, ben, tu sais, tant mieux pour vous, tu sais, je veux dire, ça peut arriver, mais en même temps, pas généraliser, parce que je pense pas que c'est... Mais non, elle est pas... c'est pas le but de l'exercice. Elle est pas au gym en disant, non, yes, je vais avoir un orgasme. Non, c'est ça, bonne chance. Non, tu sais, moi qui étais... Tu m'avais donné le goût d'aller au gym, là, non? Là, tu vas regarder tout le visage de fille. Ben là, je vais me mettre en faire des abdos, moi, ici. Elle n'est pas en train de forcer, elle est en train d'avoir un orgasme. C'est ça. C'est comme si ça m'intéressait. Puis toi, tu ne retiens pas un pet, t'as un orgasme. Moi, finalement, tu te tombes. Finalement, c'était pas un orgasme, c'était un pet. Et tu te laisses aller. Ça gâche un peu le party, tu sais. Oh, my God. Ah, Seigneur. Est-ce que c'est tout? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Un coït interrompu. Un coït interrompu. Mon Dieu. Bon. C'est plaisant, hein? Ben, écoute, ça vient... Ça a été allégé, bref, mais ça a été intense. Mais écoute, si tu veux que je parle plus, je peux trouver autre chose. Non, moi, pas trouver. Mais ça fait penser, quand tu parlais d'une barre, là, une femme qui avait une barre, ça peut être une canne de petit pot aussi, ou... Écoute, ça peut être ce que tu veux. Dans le garde-manger. Ça peut être ce que tu veux. OK, je regarde ça. Tu peux te mettre ça. À faire des squats en faisant ta vaisselle. Ah, mais... C'est tellement intéressant. Hein? Je pars toujours ici, moi, décoiffé. Et c'est ça qui est difficile, de te décoiffer, mon gars. Oui. Sur ce... J'en ai vu des trucs que madame a dit. C'est la barbe qui se décoiffe. Ouais, c'est la barbe qui se décoiffe. Oui, c'est ça, c'est moins les cheveux. On revient. Toi, tu peux aller après la pause. Touchez pas à ce piton-là. Je vais y aller après la pause. C'est pas un orgasme auditif, c'est seulement C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Le blog écoutedonc.ca se transporte à la radio. Karina Tardy et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacles de la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoutedonc.ca. Ce samedi 3 mars dès 19h30, l'événement le plus chaud de l'hiver se poursuit avec les Nuits polaires au centre-ville de Trois-Rivières. Venez assister gratuitement aux prestations de Zach Zoya, Larry Kidd, It's Group à la claire ensemble. J'ai inventé une danse. Le tout pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Et tous les détails au nuitpolaire.ca. Salut, tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. De retour à C'est fou le sexe. On va donner congé à Maître Pascal Albernais. Oui, on la remercie beaucoup d'avoir été là parmi merci nous. Merci d'être venu. On rappelle que Pascal est sexologue et psychothérapeute ici à Trois-Rivières. Si vous avez besoin de ses services, de ses conseils, n'hésitez pas à la contacter. On a la référence sur notre page. Oui, c'est ça, sur mon site web. J'allais dire www, il me semble qu'on dit plus ça. Sur mon site web servicesexologie.com. Donc voilà, j'ai mon bureau à Trois-Rivières-Ouest. Donc on se revoit la semaine prochaine. Oui. Un gros merci tout le monde. Bye bye. Merci, bye. Merci Pascal. Et maintenant, notre délicieux Pierre Soucy dans toute sa splendeur. Délicieux, baby boy. Ben écoute, j'ai sweet, un revel. Sweet, un revel. Comme un revelou, mon Pierre. Ouais. Tu fonds dans la bouche? Non. Non. Sans commentaire. Ouais. Allons-y gaiement, et ça, tout de go. Il est chanceux, hein? Il est juste... Comment ça? Il est chanceux, c'est le seul à avoir un intro, hein? Faisant bien. Je suis jalouse. Même j'ai suggéré d'autres intros à Anthony, j'ai envoyé deux types d'intros. Natacha est jalouse. Check Bezo, les amis. Attends, un une musique. Je suis jalouse. Avec Natacha, tu sais, une musique de saxophone, là. Natacha! Natacha! Oui, ça vient. Natacha! Natacha! Hein? C'est bon. On l'a ton intro. C'est juste que je l'utilise merci. Pas souvent. OK. Fait que, bon, quand le sexe devient une science, par notre mise à faire Kinsey, c'est un nom très intimement lié à la vulgarisation de la sexologie comme étant la science qui étudie et analyse les comportements sexuels humains. Bon, au début des années 50, Kinsey fascinait autant la communauté scientifique que les masses populaires par l'application de ces deux principaux rapports qui le rendirent célèbre à travers le monde. D'abord, l'augmentation sexuelle de l'homme perdu en 1648, puis celui du comportement sexuel de la femme perdu en 53. Ça va-tu, là? Hey, je vois vite, hein? La publication des rapports Kinsey sur la sexualité marquait le début de la sexologie en tant que science. Mm-hmm. Faut dire que le mot sexologie est arrivé en 1749 dans la langue française. OK. On peut dire que Kinsey, on peut lui décerner le titre de père de la sexologie statique et scientifique. Après l'Institut de Bowdoin College et un doctorat en sciences qu'il a obtenu par la suite à l'Université d'Harvard en 1920, c'est quand même très loin, il commença une très brillante carrière comme zoologiste. Pendant plus de 17 ans, où il fut professeur et chercheur pour l'Université de l'Indiana, il consacra presque entièrement son temps à l'étude d'un insecte qu'on appelait le synaps, un petit insecte parasite ressemblant à une guêpe et qui produit ce qu'on appelle la noix de Galle. Allô? Oui, la noix de Galle. Hey boy. On t'écoute, Pierre! Ah oui, c'est correct, oui. Hein? Ils sont en train de jouer avec leur tablette. Kinsey réussit même à répéter... On travaille! Ah, Colin, arrêtez! On répond des auditeurs, mais... On s'occupe, OK, Kinsey réussit même à répertorier près de 2 à 4 millions de spécimens. Il devient un spécialiste mondial incontesté de cet insecte, imagine. Plus tard, Kinsey fit le don de sa collection personnelle d'insectes à l'American Museum of Natural History. Tout ça passa dans le meilleur des mondes pour notre personnage illustre à cette époque. En effet, durant le temps où il se consacrait à ses études d'entomologie, partie de la zoologie qui traite des insectes, Kinsey a épousé Clara Bracken McKinley en 1921. Ils ont eu 4 enfants. Donald, c'est un nom populaire sur les États-Unis, hein? Anne, qui est morte pour pas longtemps en 2016. Joanne, qui est morte en 2009. Et Bruce, OK. Kinsey, Bruce est toujours vivant? Non, Bruce, il est né puis il est mort dans la même année en 1928. Kinsey était bisexuel avoué. Écoutez ça, ça c'est kinky, cette bout-là. C'est un bisexuel avoué et il avait choisi avec son épouse de vivre sur un mode d'un couple libre. Quand même assez étonnant. Ben, pour l'époque, pour les années 20, hein, quand même. Il y a eu quand même comme amant, bon, par exemple, son jardinier puis son collaborateur Clyde Martin, qui est mort en 2014, comme amant, tu sais. On le voit aussi dans le film L'Excerque about sex, là, de Kinsey, qui est sorti en 2007. Âgé de la vingtaine, Kinsey a commencé par s'insérer des objets dans l'urètre. Au début, c'était des pailles. Des quoi? Des objets dans l'urètre. Dans l'urètre. T'as jamais essayé ça? Ouais, vous qui aimez ça, les sensations fortes. Au début, c'était des pailles. Avant de passer à des curpipes. Écoutez les boys. Des curpipes. Okay. C'était des pailles, puis en dessous, des pailles. C'est quoi une paille? Ah ben oui, une paille, je sais quoi. Être un fervent de McDo. Des curpipes. C'est des curpipes, c'est des instruments qu'on achète. Oui, mais il existe aussi les curpipes dans les magasins d'artisanat pour faire du bricolage pour les enfants. Ben moi, ce que je connais plus, c'est dans anciennement, les tabagies. J'en connais une encore qui existe à Québec, dans le Québec, c'est Giguère. T'as jeté des curpipes, c'est un petit sac, ou ce que ça, c'est pour nettoyer. Curer les pipes. Ouais, mais les enfants, ils s'en servent pour faire des bricolages. Mais c'est ça. OK. Mais par la suite, après les curpipes, c'était des crayons. Et enfin, une drogue. C'est ça, Pierre, des curpipes pour faire... Oui, effectivement. Oui, OK, t'as raison. Fait que ensuite, ça a été des crayons. Et enfin, des brosses à dents. Pour se punir d'avoir des sentiments érotiques homosexuels. Mais brosse à dents, ça a quand même un gros diamètre, hein? Ouais, je dis ça de même. J'ai dû faire de l'incontinence, ce gars-là. Écoute, j'ai déjà vu des hommes se rentrer des stylos comme le tien. C'est vrai? Ou un doigt. Ouais, puis un doigt. Un doigt? Ah oui? Ah. Il se rentrait un doigt dans l'urètre. T'as vu ça? J'ai vu ça. Comment t'as vu ça, toi, Natacha? Écoute, pose pas de questions, Pierre. Okay. T'es coquin. Je pensais que c'était comme... T'es coquin. OK, c'est correct. Fait que, imagine, débrasse à dents. Et arriver à ça, c'est parce que lui, là, il avait des sentiments comme... De culpabilité par rapport à ses fantasmes homosexuels. Pourtant, c'est très contradictoire parce qu'il vivait très bien avec sa femme, mais il s'auto-punissait. Mais il vivait très bien. Au début, je sais pas, j'ai vu une photo de sa femme hein, sur le web, puis je me dis, je comprends. Seigneur! Non, non. Écoute, c'était... Je sais pas de qui des deux, entre toi et Natacha, vous faites les la paire? Non, mais vous faites les entrevues, pas les entrevues, mais les chroniques, les plus kinky, justement. Pensez bien. Elle m'a doué quand même l'histoire. OK. Fait que... écoute, il y a une autre affaire. Là, vraiment, je pense à d'autres choses. Après être devenu habitué à la douleur par les insertions dans l'urètre, Kinsey se circoncit lui-même sans anesthésie. Quand même! C'est quelque chose, hein? Mais peut-être qu'il prouvait Là, on est rendu dans le BDSM. Oui, mais il était peut-être masochiste. Il aimait peut-être avoir mal. Ben oui. Écoute, parce que moi, j'ai déjà vu des hommes là, vraiment se mutiler, pas mutiler les testicules, mais qui aimait se faire piler sur les testicules avec des talons hauts, des choses épouvantables qui auraient pu être très dangereuses, même se rentrer quelque chose dans l'urètre, si c'est pas bien fait, bien stérilisé, ça peut provoquer de graves infections, là. Ah ben oui, mais c'est sûr. J'ai vu dans une revue un homme qui voulait se faire piétiner, en quoi qu'il l'a fait. Il était nu, qui était couché sur le dos, puis c'était, la femme était nue aussi, mais apportait des Doc Martens. Mais c'est ça, c'est un peu le même principe que... On rit au Doc Martens. La semaine passée, il s'est... T'as-tu un nouveau fétiche, Pierre? Non, non, non. Il n'en porte pas, de toute façon. Mais encore là, Natacha, vous avez pris ça, cette littérature-là. Dites-moi. De quoi tu parles? Non, ben c'est des gars qui se faisaient crasser avec des talons hauts, là. Ben là, j'ai une vie... Non, mais je pense que c'est le pire compte que tu pouvais dire, par contre. Où c'est que tu as pris ça? J'ai lu ça dans un derrière. De... Non, non. Ben, j'ai une vie. Je prends ça de mon expérience personnelle. OK, je vais continuer. C'est le pire compte. De... On entendra après l'émission. Ben, non. Après, écoute, je suis pas... comment je pourrais dire? T'sais, moi, je vous ai dit que j'aimais expérimenter dans la vie. Tu sais, aïe. Quoi? Ben oui, ben écoute. Non, mais je te juge pas. Non, mais je Natacha, te taquine, puis tu deviens de plus en plus rouge. Moi, je trouve ça drôle. Non, mais les affaires kinky, Natacha, elle est vraiment maîtresse là-dedans, tu sais. C'est une mistress, tu dis. Mistress. OK, mais là, je vais continuer, là. Autant on peut être sérieux dans ce show-là, autant qu'on n'a pas d'air. Mais sa tranquillité d'esprit, je parle toujours de kinky, je lui vais, et son petit train quotidien, elle a été bouleversée, chambardée à tout jamais, parce qu'une université à laquelle il appartenait lui demanda de monter et de donner un cours sur le mariage. Imagine ça. À cette époque, Kinsey était prêt à la retraite et prit sa demande à l'université comme étant un genre de défi qui finirait bien sa carrière en tant que professeur et chercheur. Pour lui, il ne savait pas dans quel genre de bateau il venait s'embarquer. On est des années début 40, là, hein? OK? Les premières études statistiques sur la convenance sexuelle humaine. L'un des étonnements de Kinsey lorsqu'il fit sa recherche a été constaté qu'il n'existait pas d'études statistiques des comportements sexuels qui puissent valider ou corroborer les affirmations et les théories du sujet qui devait être enseigné. Il lui fallait des faits et, puisque ceux-ci n'existaient pas, il décida de les établir lui-même. Utilisant les mêmes méthodes que pour recueillir des données zoologiques, il commença par interroger un petit nombre de sujets volontaires, mettant au point peu à peu ses techniques d'entrevue avec des questions reliées à la vie sexuelle des individus. Kinsey voulait aussi vérifier les réponses aux nombreuses questions que ses étudiants lui posaient et qu'il se posait lui-même, c'est-à-dire des relations sexuelles hors mariage compromettent-elles, les chances au bonheur conjugal? Est-ce que l'activité sexuelle masturbatoire rend les gens fous et idiots? Personne n'écoute. Il se pose la question. Okay, non, mais ça. Moi, j'étais en train Écoute. Doit-on surmonter nos désirs, nos désirs homosexuels? Et si oui, comment le faire? Oh boy. En signe de coupure avec le passé, surtout pour, s'occuper le reste de son temps pour répondre à toutes ces questions. Et à partir de ce moment, sa vie changea de façon radicale. Pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le bien-être de la sexologie. En 1742, avec l'aide financière de l'État de l'Indiana, Kinsey et ses collaborateurs fondèrent l'Institut de recherche sur la sexualité de l'Université d'Indiana et ceux-ci préparèrent pendant les années suivantes la compilation d'analyse des données qui devaient former les deux fameux rapports qui marquaient la sexologie à tout jamais. La publication de ces rapports suffit à bien des gens et ébranla plusieurs conceptions traditionnelles et mythiques sur la sexualité, fondée sur des réponses de plus de 5000 hommes et femmes de race blanche et de tous les âges. Les rapports Kinsey de la sexualité de 1748 et de 1753 démontrèrent dans les grandes conclusions que 96% des hommes et 85% des femmes avouaient s'adonner de façon quotidienne à des activités sexuelles masturbatoires. Hein? C'est quand même pas pire. Que 4% des hommes interrogés avouaient ne pas être assurément hétérosexuels. C'est là qu'ils ont fait l'échelle de Kinsey, hein? OK? Et 37% des hommes avaient déjà eu au moins une expérience homosexuelle allant jusqu'à l'orgasme. Mm-hmm. 37% des hommes! Quand wow! Même. Chez les femmes, 28% avouaient avoir eu une expérience homosexuelle avant l'âge de 45 ans. Et sur un homme de 900 femmes, peu importe leur intention sexuelle, et 14% seulement avouaient avoir eu une sensibilité vaginale lors d'un rapport sexuel. 14%! Il ne faut pas oublier que Kinsey et son équipe eurent beaucoup de difficultés à faire accepter l'idée que l'érotisme de la femme s'épanouissait non seulement avec l'apparition de son image érotique, mais aussi avec l'apprentissage de ses pratiques sexuelles masturbatoires. Pas oublier que dans ce temps-là, on disait qu'une femme avait une vie sexuelle en fonction de l'homme qu'elle épousait. Quand même. Si elle n'avait pas de vie sexuelle, bien, c'est son homme qui était comme maladroit. Oui, il n'existe pas de femmes frigides, juste des hommes maladroits. Oui, c'est vrai. Bon. Le plus dur, légalement, l'audace d'affirmer qu'une femme pouvant éprouver des orgasmes puissants si elle s'entraînait de façon quotidienne à des activités sexuelles masturbatoires. Hein? Fait que c'est quand même pas du beau. Imaginez l'impact de ces études dans nos sociétés qui remettaient les choses à leur place en ne disant que la stricte vérité, mais qui dérangeait bien des aspects puritains conservateurs. Pierre, tu viens de me titiller l'esprit. Je vais avoir des choses intéressantes à propos de l'étude de Kinsey te demander. Fait que mon titillement d'esprit, moi, prend le bord. Mais sans pratiquer. Croise-toi les doigts, Natacha. Je vais te donner une leçon d'histoire. Mais non, s'il y a un titillement, il ne faut pas qu'on se croise les doigts. Je finis. Pourquoi qu'on parle? Paragraphe, là. Ah, ben oui, vas-y donc. Il ne faut pas oublier que dans les années 40-50, la mentalité américaine de cette époque-là, on était l'époque noire du macartisme, la chasse aux sorcières aux communistes, Ça a duré de 1550-54. Un autre point important qu'il faut aussi retenir des études de Kinsey est cette nouvelle perception qu'on devait normalement se faire de la sexualité des personnes qu'on disait âgées. En effet, on découvrait que l'activité sexuelle ainsi que le désir sexuel chez les deux sexes ne finissait pas vers une période déterminée de la vie, mais pouvait se continuer jusqu'à un âge avancé. Passé 40 ans, on peut avoir encore de la... Bon, OK, je finis. Kinsey n'a pas fait longtemps son succès, qui, disons-le, fut assez controversé pour son temps. Il décéda en 1956, à l'âge de 62 ans, en n'ayant pas assez profité de cette retraite paisible à laquelle il aspirait et dont l'issue n'avait pas été nullement présagée. Néanmoins, l'histoire de la sexologie aura été plus juste envers cet homme et il aura gardé une place de choix dans l'histoire de la sexologie. Il est devenu celui qui nous a ouvert le chemin par une façon statistique vers la vision que nous de qui nous sommes et en quoi nous pouvons tous nous ressembler à travers nos comportements sexuels. Affaire Kinsey nous a aidé aussi à démystifier, à vulgariser et à améliorer avec une manière remarquable nos connaissances, notre propre sexualité. OK, Natacha, tu peux te titiller. C'est quoi l'histoire? Mon titillement. Oui, c'est ça. Il est où ton titillement? Dis-nous. Bien, en fait, je me questionnais par rapport à ce que tu as dit au niveau de la masturbation. Je me suis auto... Titillé. OK, vas-y. En me disant, mais si, exemple, toi, Anthony, tu aurais une sexualité dans le tapis, tu fais l'amour... Ouais. 4 fois par jour. Arrête, là, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais le besoin de quand même te masturber puis d'avoir ce moment-là avec toi-même? Qu'il le fait 4 fois par jour, déjà, c'est... Non, mais tu comprends-tu... déjà content. Mais tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, même si t'es comblé sexuellement avec ta partenaire, est-ce que tu éprouves même le besoin de te retrouver avec toi-même et de ce moment-là, de te satisfaire toi-même? J'inverserais les hommes aussi. Je suis satisfait avec moi-même. Pourquoi aller me satisfaire avec quelqu'un là? Non, c'est un peu niaiseux ce que je viens de dire là. Écoute, je suis un peu perplexe dans ta question parce que avec l'âge, ça change. Tu as quel âge, Anthony? Moi, j'en ai. Dans le fond, je vais en avoir 36. La quarantaine s'en vient de plus en plus. Bon, j'imagine à 60. Écoute, hein? Écoute, moi, ça va être fini cette affaire-là. Il va être au cure-pip. C'est ça, moi, t'es au cure-pip. Non, mais à 19-20 ans, 25 ans, j'avoue que malgré une sexualité plutôt très, très active... Tu te masturbes quand même. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est... Mais rendu là, moi... Non, mais le besoin de se masturber... Oui, c'est ça, je parle. C'est vraiment que t'as besoin de ce moment-là, de te retrouver avec toi-même, même si tu viens d'avoir une pénétration avec ta conjointe dans la journée, tu sais, avoir ce moment-là, comme, je sais pas moi, ta femme qui écoute une émission à télé-réalité le soir, toi, t'as besoin de... Ben, je veux dire, c'est un moment qui est intime avec toi. Ben oui. en fait, c'est un moment très, très de communion avec toi-même, si je peux même dire, au sens où tu t'accordes du temps pour vrai. Mm-hmm. Ça va au-delà de l'aspect coïtal. Ça peut être uniquement ça. Mm-hmm. Pas coïtal, mais orgasmique. Ça peut être uniquement ça, mais ça peut être aussi « je prends du temps pour moi ». Mais moi, c'est ce que je pense aussi. Mais tu sais, à cette heure, à la place, bon, fais d'autres choses. Moi, j'étudie. Toi, tu travailles sur ta maison. C'est ça. Tu t'occupes de tes 7 enfants. Bon, non, même. Mon Dieu. Il est prolifique, hein, quand même, Anthony. Hein. Un homme à tout faire. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai plus le temps de me masturber. On disait, à cette heure, je délègue. Non, mais on disait, il y avait quelque chose aussi qui était assez spécial. Des avis vous intéressé. Si un homme ou une femme se masturbe, c'est parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas de vie sexuelle active. Ben, donc, elle peut devenir homosexuelle. C'est ça, il y a quand même deux écoles de pensée un peu... Imagine, fait que si tu m'assumes, Natacha, et Anthony, vous êtes peut-être sur le chemin de la perversion sexuelle. Non, d'abord, on est rendu, nous autres. On n'est pas juste sur le chemin. On a dépassé le stade. On est vieux, puis écoute. Nous, dans le fond, on a comme atteint la ville perversion, puis on a même installé nos bureaux. On a une pancarte avec des flashs lumineux. Mon Dieu. Natacha et moi, on est les ambassadeurs de la perversion. Tu sais, c'est comme sur la strip à Vegas. C'est ça. C'est à côté, il y a nos noms qui flashent. Moi, je dis, c'est à peu près ça. T'avais-tu quelque chose oui, par rapport à l'étude de Kinsey, l'échantillon? Au niveau de l'échantillon, c'est quand même un échantillon qui est important. Ouais. J'essaie de retrouver. C'est en quelle année, hein? C'est, 1948, 1950. Oui, c'est ça. 5300 hommes en 1948. 5300, OK. 5300. Et 8000 femmes en 1953. 8000 femmes. C'est quand même énorme. Mais trouver ces gens-là dans ces années-là, c'est quand même très... Mais c'est là où la méthodologie est critiquée un peu. Puis là, vous allez me trouver, ah mon Dieu, qui est donc bien intelligent. Non, je sais lire Wikipédia. C'est une source fiable. C'est pas super fiable, mais je dirais que pour initier une recherche, ça peut être pas si mal. Mais reste à voir, utilisez votre sens critique et allez vérifier vos informations. Mais on critique un peu parce que il y a une proportion qui était significative, qui était des prostituées et des prisonniers. OK. Qui, à ce moment-là, ça devait être les seuls qui voulaient répondre à ce genre de questions-là. Non, c'était des gens de l'armée. Parce que c'était secret, c'était des gens de l'armée. Oui, mais ça prenait des gens quand même très ouverts. Qu'est-ce qui me tape un peu là-dedans? Mais ce qu'on dit quand même, là, avec deux sources différentes, c'était majoritairement une proportion significative de prisonniers et de prostituées qui n'ont pas nécessairement les mêmes... la même ouverture, les mêmes valeurs. Mais qu'est-ce qui me dérange là-dedans, ce soit des gens de race blanche. Aussi, mais tu vois, il en parle beaucoup. Oui, mais dans ces années-là, c'était très, ben, très... C'est ça, hein? On était des années 40, aussi, là. Qu'il y avait... que les personnes qui ont participé aux interviews sur des sujets qui sont quand même tabous étaient probablement des personnes qui s'étaient volontairement désignées, ce qui crée un biais statistique. Dans le fond, si on exclut le fait que ça pouvait être des prisonniers, des prostituées ou des gens de l'armée, ça reste qu'ils se désignaient volontairement, ce n'était pas aléatoire, donc à ce moment-là, ça biaisait. Ouais. Mais j'imagine que ça n'enlève pas l'apport considérable que le rapport Kinsey a amené, ouais. Mais ça on peut le critiquer quand même. Et c'est tout là l'aspect de la science qui est beau. Bien, sur ce, merci Pierre de nous avoir éclairé un peu plus. Il est possible que parce que j'ai écrit un article il y a quelques années sur le film « Let's Talk About Sex ». Parlons sexe. Bien sûr. Le film qui a sorti en 2007 avec Gang Linson. Fait que je peux déjà en parler de ça. Moi, je vais essayer de... Oui. Oui, trouver ce que tu m'as demandé, oui, le yoga oui, nu. Oui, oui. Parce que c'est parti à Montréal. C'est parti à Montréal, surtout, là. J'ai vu ça. Puis ah oui. Certains... ouais, des je connais bien le hot yoga, mais le yoga nu, je dois t'avouer que... Écoute, peut-être que je vais me déniaiser et je vais aller essayer ça. Ben écoute. Hey, même ça a passé sur le net, pas longtemps. Une femme. Ça doit pas être mix, ça, d'abord. Ouais. Une femme qui avait les. Ah, Anthony, t'as des idées coquines. Ah, non, écoute, c'est mix, je sais. Finis pas ta phrase, on va les affaires. On s'en jasera après. Les gars sont pas en élection quand ils font du yoga, hein, je t'avertis. Quoi? Les gars sont pas en élection quand ils font du yoga nu. T'as déjà fait du yoga? Non, non, mais j'ai vu des photos. Hey, j'ai même vu une photo d'une fois. Bon, je pense qu'on va finir l'émission là-dessus. Tu sais, les seins par son petit gars. Attends, ben c'est moi qui t'ai montré. C'est toi? Oui, c'est ouais, une femme qui faisait du yoga puis elle allaitait son enfant en même temps. Oui, elle faisait pas sucer les seins, en fait. C'était un acte très, très maternel. Bon, non, mais sûr, c'est... Ça passe-tu, ça? Ça passe pas, cette photo-là? Ben, moi, t'as trouvé ça? Ben, moi, je trouve ça très bien. C'est très dans la nature humaine. Tu sais, il y a zéro connotation sexuelle. Mais là, il est temps qu'on laisse. Fait ah oui, que... c'est sur ça, ben oui. Sur quand ce... je fais des signes, c'est pas parce qu'il y a un avion. En tout cas, la prochaine. Merci. C'est ça que ça veut dire. Fait que merci, à la semaine prochaine. J'étais en train de perdre la voix. Merci, à la semaine prochaine. Revenez-nous en forme. Je vais reposer ma voix au kit à mettre 3 suppositoires. Sur ce, bye bye, à la semaine prochaine. On est fou un peu. Je t'aime. Oh oui, je t'aime.